100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti pour La Nocturne, 100% rap français, juste après D-Fool. Passez une bonne soirée, TLF. Chie. Comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme, Iqbal? En pleine. Nos limites est dans les bacs depuis... Depuis une semaine, ouais. Depuis quelques jours maintenant, ouais, depuis le 8 avril. Ouais. Depuis le 1er avril, on va dire. Ah oui, bah, depuis la bonne blague du 1er avril. Voilà. C'était pas une bonne blague, c'était un gros album. Voilà. Bon. Ouais, c'est un album qu'on va pouvoir découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore. On peut évidemment le télécharger, on peut l'acheter un peu partout, cet album. Ouais, il est dans tous les bacs. Allez vider les bacs, la famille. J'ai l'impression que c'est un album qui a quand même une longue histoire, hein, qui a été. Qui a débuté il y a un sacré moment, parce que c'est vrai qu'on se souvient, moi je me souviens du morceau avec lequel on va débuter, qui est sorti déjà il y a plusieurs mois, avec un clip pareil de fou. Ouais, gros clip, tourné à Montréal. Et c'est vrai que comme tu le dis, ça fait un an et demi, deux ans que je bosse sur cet album. Et c'est un album qui m'a pris du temps, où j'ai mis du cœur. Et quelques petites galères qu'on a surmontées. Et t'en as connu d'autres? On en a connu tellement, on n'est pas à notre premier essai. Et voilà, c'est un album que j'ai travaillé, c'est un album qui est varié, qui est complet. Un album pour tout le monde, un album de rap pour tout le monde. Et voilà, ça fait plaisir quand je vois tous les messages, tous ceux qui l'ont écouté. Voilà, comme quoi je me suis pas trompé, moi en tant qu'artiste. Voilà, je me suis pas trompé là-dessus et je conseille tout le monde à aller le chercher. TLF, ça s'appelle No Limit, on va pouvoir le découvrir. Tu es venu aussi avec du monde ce soir. Ouais, on te présentera au fur et à mesure. Ouais, la Bopé qui sont là. Puisqu'il y aura une partie tout à l'heure aussi consacrée toujours au Talent Fâché. Talent Fâché 5. Qui existe toujours, hein, c'est en cours là aussi, pareil, Talent Fâché. Talent Fâché 5 étoiles, ouais. C'est le numéro 5. C'est le numéro 5. Voilà, je pense que ça va être le meilleur des Talents Fâchés parce que j'ai la haine. J'ai et c'est la quand rage. C'est quand la rage au mic. C'est quand que la rage sort? Bah, on est dessus, on commence là. Voilà, il y a plein d'artistes, plein de nouveaux. Ce qui est dessus, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a le phénomène de YouTube, le web. Mm-hmm. Du coup, il y a plein. Avant, c'était du bouche à oreille, nos Talents Fâchés, tu vois, c'était l'autre, je connais un tel. Aujourd'hui, ça va plus vite. T'as avec mon équipe, manager, on arrive à dénicher plein de tueurs. Voilà, et plein de mecs qui méritent. Et voilà, attendez-vous que Talent Fâché 5, je pense, ça va être le meilleur de mes Talents Fâchés, parce que tous les bons rappeurs qu'on a là, ça va être du lourd. On prépare ça pour fin de l'été, début de la rentrée. Voilà. Bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bien sûr. On donne le coup d'envoi de cette Nocturne? Allez, on y go, frérot. Mourir ce soir, tiens, ça a été le premier morceau, donc. Aïe. De No Limit qui est dans les bacs. Ma meilleure punchline, tu l'entendras quand je t'aurai tiré dessus. L'animal est sorti pour dépenser, s'élever, habitué au cercle de jeu. Et des baratins, pour lui c'est simple, la vie se résume à cash, monnaie blonde au gros ins, un qui rince, fait le pacha, dans cette fille qu'on nomme Natacha, aguicheuse, gogo danseuse, pulpeuse, attirée par les gros machins. Il se voit déjà dans sa chambre, en sueur entre ses jambes. Elle incite à finir la soirée chez elle, HLM parisien, porte de la chapelle. Mais v'là à peine, rentrer dans l'appart que les choses se gâtent. Sur son crâne, une bouteille éclate, il est 4 du mat, personne imagine ce qui se trame. Derrière ses murs, Rachid se fait des membres découpés en 4. Pour finir au fond d'Allah comme une ordure, Natacha prend la fuite, ses rapports dans la nature. Maléfique créature en parésie, le diable prend des talons aiguilles. On paye le mal par le mal, poto, rien n'est gratuit. On paye le mal par le mal, poto, rien n'est gratuit. Rien à foutre de ce qui peut m'arriver. Ma réalité, mon pire cauchemar. commando, c'est réuni hors de la ville. Pareil pour un gros braco, alarme de guerre, l'ustensile, plus casse du siècle, grosse équipe, à sa tête, un criminel, endurci, qui s'appelle Milan, alias le cerf, son profil, un homme discret, discret, au lourd passé, qui a purgé plus de 10 années, pour des attaques à ma armée. Ah oui, puis je l'ai vu, ses parents se faire fumer. Il lui reste comme seule famille sa sœur jumelle. Écoute ça, sur ce coup, Milan a besoin d'un chauffeur. Fait appel à Rachid, un homme de main, la gâchette facile. Ils ont vécu depuis dans la même cellule, a fait rimer au gis. Le bras caché par sa merveille au capé. C'est pour paquet d'oseille à partager, dispersé. Mais Rachid voit les choses autrement. Attends le bon moment pour galacher, tout rafait s'arracher. Maléfique créature dans ton équipe, cache le pire de tes ennemis. Élève nos limites dans les bacs, la famille. Paye le mal par le mal, poto, rien n'est gratuit. On paye le mal par le mal, poto, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. Hey, rien à foutre de ce qui peut m'arriver. Spécial pour tous les frérots enfermés. Même si je dois mourir ce soir. Bromette, freine, fleurie. De toute façon, je suis grillé. Évadez-vous. Nous ce soir, point, famille. Mon pire cauchemar. Pour m'évader, je me défonce toute la night. Toute la night. Je danse avec mes démons toute la night. Pour m'évader, je me défonce toute la night. Toute la night. Je danse avec mes démons toute la night. Toute la night. Toute la night. Yeah. No limites, poteau. L'album est dans les bacs. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Classique, t'élèves. Malgré tous nos différends, tous nos souvenirs d'enfance. Grand frère, on s'est passé, unis par le vie comme Zahira. Et ce lien, c'est puissant, sans peut-être blessé. La famille, c'est plus fort que tout. Nos limites dans les bagues. Y'a pas de rancune entre nous. Yeah. C'est fou comme on se ressent. Grand frère, adolescent, tu étais mon exemple, mon repère. Partout je mettais les pieds, on parlait toi. J'étais fier quand tu rentrais tard, me racontais tes victoires. Tes high kicks éclairs, tu m'as fait découvrir le rap. Quand tu me forces à rester éveillé pour regarder rap, planer yo MTV rap. Tu grattais tes premiers textes sous mes yeux, t'allais plus à l'école. Mais devant ta feuille t'étais studieux, tu m'as fait découvrir le studio. Jusqu'aujourd'hui t'as pas changé, toujours aussi acharné à plier le micro. À la maison la violence a pris le dessus sur la hesse. Ma première palabre c'est toi qui me l'a faite. J'avais 9 ans, j'ai dit à maman que je m'étais connu contrôle la fenêtre, tu te rappelles. J'étais môme, j'avais déjà l'instinct fraternel. Petit bonhomme qui t'était fidèle, solidaire et sincère. Parce que t'es mon frère, t'es mon frère. Malgré tous nos différends, tous nos souvenirs d'enfance. On s'est passé, unis par le sang. Par le sang. Et ce lien si puissant, sans Dieu. Être blessé. La famille c'est plus fort que tout. Un homme en partage. Y'a pas de rancune entre nous. Quand on marche ensemble. Classique. Tu n'as pas eu de grand frère. Moi j'en ai eu deux. J'étais celui avec qui je m'entendais le mieux. Jamais de la vie, je balancerai. Ouais. Ou je ferai le haineux. Plan de la jalousie, je me te suffis, grâce à Dieu. N'a toujours été complice. Même si quand je suis tombé à rifle, t'es pas venu me voir une seule fois, mais malige, c'est la vie. J'ai toujours relativisé, même quand tu me faisais la morale à ma sortie des GAV. Depuis petit frère, a grandi trop vite. Yeah. N'a pas le choix, n'a fait ses armes dans la street, gravé les échelons de l'illicite. La seule fois que je voulais prendre ta place, c'est quand ce mec t'a braqué devant moi. On était livrés à nous-mêmes, donc on se voyait plus trop. Je t'entends à la radio, te voyais dans les clips et les affiches du métro. J'ai suivi les conseils de Zinzin. M'a dit arrête tes conneries, investis-toi dans le rap comme ton frangin. Zinzin. 2003, à Coruscap, on veut venir. Yeah. À ma sortie de détention, je rêvais de scalper l'avenir. Tu voulais pas, je rappe, mais la misère m'a forcé. Mon premier chèque dans la musique, maman l'a encaissé. Je sais ce que c'est d'exister dans l'ombre de quelqu'un. J'ai jamais attendu qu'on me tende la main pour faire mon chemin. Nah. Je me suis donné ma chance. Ouais. On fait le même métier, jamais me viendra l'idée de prendre en concurrence mon frangin. Tous nos souvenirs d'enfance, yeah. On s'est passé, unis par le sens. Et ce lien si puissant, sans peut-être brisé. La famille c'est plus fort que tout. La famille c'est plus fort que tout. Y'a pas de rancune entre nous. Non, non. Quand on marche ensemble. La famille c'est plus fort que tout. Yeah. Mon père, ma mère, mes frères, ouais. Je leur pardonne tout. Tout, tout. La famille, c'est plus fort que tout. Hein. La fraternité passe avant tout. On reste intouchable quand on serre les coudes. Qu'ils aillent se faire foutre, ceux qui se mettent entre nous en essayant de défaire les liens de sang, ils creusent leur, ils creusent leur trou. Merci beaucoup pour tous ces titres sur talent fâché. Pour la première partie de ton zénith, tous méritent. Quand tu m'as dit viens bosser avec moi, ce fut un honneur. J'ai beaucoup appris auprès de toi, t'as fait de moi un winner. Charbonneur, scapadeur. On doit d'être protecteur, gardien de son frère et de sa sœur. J'tombe pas le doigt à mon frère, surtout quand ça me va pas. Ce qui lui arrive en bien ou en mal, frérot, ça m'atteint. Ouais. On peut s'en vouloir, on se pardonne entre frangins. Ouais, ouais. Quand je partirai un de ces matins. Malgré tous nos différents. Tous nos souvenirs d'enfance. D'enfance. Tout s'est passé. Classique. Uni par le sang. Par le sang. Et ce lien si puissant. Yeah. Peut-être brisé. La famille, c'est plus fort que tout. Plus fort que alors tout. Pardon. Dieu, tout. Y'a pas de rancune entre nous. Dieu, tout. Oh. Chanson. Yeah. Uni par le sang. Uni par le sang. Uni par le sang. H-O-U-S-N-I. On est frères et on le reste. À tous les frères, jalouse. Mon frère, si tu prends Saïf. Le corps, il va l'enterrer ou blesse. Abou Bakr, j'en ferai de même. Yeah. Hugo pour les anciens aux aînés. On est l'exemple de nos gamins. Yeah. Pour la famille. One love, one love. One love, one love. Pour la famille. One love, one love. Hey. One love, one love. La famille. Love. Hey. C'est plus fort que tout, classique TLM. L'album est dans les bacs. Nos limites. Allez chercher ça. Videz les bacs. La net rap. 100% rap français. Ouh. Allez, tu as Jay-Z, les vrais négros de Paris sont ici. Les vrais Saint-Yves sont ici. Les vrais Marseillais sont ici. Marseille, tu vois la guerre, les dispo. Clac, clac, que des dents. On est chargé, on a ce qu'il faut. Clac, clac, que des dents. Quand on arrive, ils ont chaud. Clac, clac, que des dents. Tu peux pas tester Kim du Keto. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. La qui pipe la pression. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Subit l'agression, claque, claque, toujours plus précis à chaque attaque. Je t'envoie des coups de la tatane. Ton corps dans une boîte à tatane. Rue chez toi, ici pas d'arnaque. T'as vu, c'est nous l'équipe à abattre. Mais tes gars se relèvent pas là-bas. On a ce qu'il faut pour tes trous de balle là-bas. Les masques, on vous écoute pas, y'a pas. Yeah. On claque les commis, les avocats promis. D'office, les commis, serrez tous les petits commis. Mon joyeux commis, t'assumes les crimes commis. On prend la commission et on branche le chromis. Oh, toujours on va tout péter, pressé. Hey. Plus personne peut nous aider. Mettez-vous à côté et guettez chez les pros, ça chante pas la guette. Mes hommes décidés à dégainer, t'es décédé à célébrer. Les gars sont d'un négro ténébreux, détruit, on va prendre la tête. Et tes négros on les embêter, lâche la tête, tu viens comme été. Vive de tête à les arrêter, tes gars sont pétés, viens pas plaider. Fais-les, on va les négros fainés, en féerie, c'est pas freiné. Frénétique, et tu te fais ferrer, Ferrari, et tu te fais fumer. Tu veux la guerre, les dispo, clac, clac, que des dents. On est chargé, on a ce qu'il faut, clac, clac, que des dents. Quand on arrive, ils ont chaud, clac, clac, que des dents. Tu peux pas tester King du ghetto, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Là l'équipe qui met la pression. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. T'es dépassé, subit la pression. Clac, clac, que des dents. Cruel comme une rafale dans une marche silencieuse. Rafale lyrical, c'est Ika. L'automitrailleuse, pas de virgule, que des points dans ta gueule. Réaction de rage, sortez les lacets. Que la crime se rince l'œil. Ta vie vaut le prix d'une calage. Tu fuis, puis les bagages. Quand je suis dans les barrages, je refroidis tout tempérament. Moi, je suis fou, je rends malade. Les médicaments, tu serais d'être sans tenir qu'à moi. Je profite que les balles. On renvoie les comme Nadal. Ils veulent du sang, ils veulent du sale. J'aggrave leur pronostic vital. Un feu de schizo, de baiser mental dans mon chantier. Disons, personne nous égale. Hague la musicale, on brise tes cervicales. Ouais. Des primates, vous courez plus vite que pas tout le sel. Okay. T'es pas à l'abri de te faire braguer. Arracher tes gros chaînes. Tout chaîne. Faut ta mère comme cool chaîne. Les gros foncés comme les teammates. Cool chaîne. Les piliers se mangent des coups de tibia. Ça rapport chibia. Tu veux la guerre, les dispo. Clac, clac, que des dents. On est chargé, on a ce qu'il faut. Clac, clac, que des dents. Quand on arrive, ils ont chaud. Clac, clac, que des dents. On peut pas tester Kim du ghetto. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Là, l'équipe qui perd la pression. Clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Mais j'ai pas fait subir l'agression. Clac, que des dents. Ce n'est que la première mesure où j'entends déjà claquer des dents. Clac, clac, clac, que des dents. Sauf la maman. Mes phases ou des mains de maçon, donc MC, prends des claques et tais-toi. Clac, clac, clac, que des doigts. des dents. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. Là, l'équipe qui fait la pression. Là, l'équipe, que des dents. Clac, clac, que des dents. Clac, clac, que des dents. T'es dépassé, subis l'agression. Clac, que des dents. T'es dépassé, subis l'agression. Télève, sobrang baba. Yeah. Clac, clac, Nishiko. Et King du ghetto. Télève. L'album est dans les bacs. Non, les buts. No Limits. Ça s'appelle No Limits, c'est dans les bacs. Et ce morceau, c'est Claque des dents. Vous avez reconnu Soprano et Kérosène qui est Kérosène, grand, grand rappeur. Ouais. La Guadeloupe, big up à lui. 971, big up 972, big up tous les Antilles. Haïti, voilà, Haïti est No Limits. La Réunion est No Limits. Les Comores sont No Limits. Guada est No Limits. Madinina est No Limits. Si, si, la France est No Limits aussi. Claque, claque. Claque des dents et King du ghetto, ils sont là. Et auparavant, il y avait quand même aussi un morceau, faut dire un mot dessus, qui s'appelle Grand Frère, qui est un morceau important. Je sais pas s'il était simple à écrire celui-ci. Non, mais parce qu'en plus, je sais, toi, t'es quelqu'un quand même de très pudique et tout. Donc, c'est, ça a été une question de faire ce morceau. Tu t'es questionné en disant, voilà, qu'est-ce que vont encore penser les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire. Ou c'est plutôt, tu l'as fait comme, voilà, comme un message d'amour d'un petit frère à son grand frère. Voilà, plutôt comme ça. Ensuite, forcément, au moment de le lancer. J'hésitais, tu vois, tu poses la question comment les gens vont, tu vois. Mais le morceau, il a été créé avec le cœur, c'est un message universel pour tous les frères, les sœurs, les petits frères, les grands frères, les jumeaux. Et voilà, c'est aussi c'est un morceau où je parle de mon parcours. Je parle de mon parcours, forcément mon parcours, il y a mon grand frère qui est dedans. Un parcours Joseph. Chaotique, comme on peut l'entendre. Non, mais je regrette rien, moi. Je regrette rien, j'ai toujours avancé dans la positivité, j'ai toujours été généreux musicalement. Tout le rap français me connaît, je connais tout le rap français. Donc voilà, ils me connaissent, savent que voilà, on est des charbonneurs. J'ai jamais calculé, je fais de la musique, je suis un passionné. Et voilà, et j'écris ce morceau, c'est un message d'amour pour mon refrain. Et pour tous les frères, toutes les fratries. Donc voilà, gros big up. Est-ce que tu as eu une réponse? Ouais, t'as vu, frérot. Elle est positive, la réponse, si tu veux savoir. Non, c'est juste, voilà, est-ce que t'as eu une réponse? Est-ce que c'est quelque chose qui l'a touché aussi? Voilà, bien sûr. Forcément, un message comme ça touche tous les frères. Bien sûr. En tout cas, c'est un morceau, c'est vrai que c'est un morceau qui est universel pour tous ceux. T'es un monstre si ça te touche pas. Ouais. T'es un monstre. Non, mais je trouve que tu t'es vraiment dévoilé, que c'est. Voilà, connaissant, c'est en effet ce que je te disais, c'est cette pudeur que t'as et tout. C'est, voilà, c'est intéressant, un morceau comme ça aussi, de se livrer et de se laisser aller, quoi, sur le papier. Ouais, c'est comme le morceau Maman aussi, morceau à l'abri. L'album s'appelle No Limits. C'est forcément, c'est niveau sonorité, niveau thème, voilà, niveau ambiance. Voilà, je voulais vraiment être No Limits niveau choix musical, niveau instru, etc. L'écriture, les flows. Voilà, il fallait que je me livre aussi. J'ai jamais eu la chance, cette chance de unique à moi. Voilà, pour moi, c'est mon premier album solo. Voilà, je l'ai appelé TLF. J'ai gardé TLF parce que TLF. C'est une histoire, c'est mon bébé, le grand public me connaît en tant que TLF. Voilà, TLF Indila, j'ai des singles qu'on tourne en radio et j'étais en tant que TLF solo. Et voilà, je me voyais pas quitter le nom TLF. Je sais qu'il y en a plein, ils doivent se poser la question. Un jour ils sont deux, un jour ils sont. C'est un peu comme Goldman, hein. Tu prends Goldman, voilà, le gars il était Goldman, après ils étaient en groupe, ils gardaient Goldman, après il est revenu tout seul, Goldman, tu vois ce que je veux dire. C'est comme il dit, tant que la musique est bonne, ça se fait. Aujourd'hui joué, je marche seul. Bien vu. Je marche seul. C'est l'intégrale Goldman qu'on se fait. Ah, si tu veux. Tant que le public il kiffe, c'est le son qui parle à un moment donné. Tu vois, peu importe le format, c'est le son qui parle. Voilà. Eh bien, le son va parler maintenant un morceau qui s'appelle Inconditionnel Love. Aïe! C'est extrait. Un de mes coups de cœur. No Limits, c'est dans les bacs. TLF. Tchè! Inconditionnel Love. Unconditional love, love, love. Unconditional love. Yeah. Désolé, my friend. Mais la vie m'a endurci. J'essaie de contenir ma haine. Sans pour me juger, je me sens bien comme je suis. Yeah. Amour inconditionnel. Parce qu'on refait le monde qu'avec des signes. Il n'y aura pas de happy end si tu m'acceptes pas comme je suis. Mon carré est trop grand pour moi. Aucun humain ne vaut plus que moi. Ingérable, sûr de moi. Le respect se gagne autant pour moi. Le diable veut me faire des leçons. Foutaise, prends pas mon respect pour de la peur. Ma gentillesse pour une faiblesse. fier de ce que je suis venu, même si je suis pas ce que mon père aurait voulu. Un con moyen dans toute sa grandeur, ayant la sunna comme vertu. Je suis devenu ce que j'ai pu, bien que la vie m'ait lésé. Acceptez-moi comme je suis, ou allez vous faire baiser. Usé comme la main d'un maçon, mon cœur n'écoute plus que ma raison. On s'aime se déchire dans la passion, tes sentiments deviennent les murs d'une prison. Aime-moi sans condition, même un monstre a besoin d'affection. Fuis-moi ou suis-moi, j'ai toujours pris sur moi. Les tumeurs, les torts, les trahisons. J'ai plus d'attention de mes ennemis. Moi ils m'acceptent comme je suis. Renie-moi, bannis-moi de ta putain de vie. Je mourrai comme je suis. Désolé my friend. Mais la vie m'a endurci. J'essaie de contenir ma haine. Sans pour me juger, je me sens bien comme je suis. Amour inconditionnel. Non, non. Si tu ne m'acceptes pas comme je suis. Pour les uns, je suis un mec bien. Pour les autres, je suis un gros bâtard. Pour eux, je suis un vrai frérot. Et pour vous, je suis un mec bizarre. Ne compte pas sur moi pour te bouffer le dard. Aucune hypocrisie dans mon regard. Rien à foutre de ce qu'ils disent à mon égard. C'est dans la demeure qu'on voit qui sont tes gars. Trop de choses nous éloignent. Ouais, eux, ils sont trop perchés. Seuls les orgueils ont du mal encaisser. C'est leur putain de cas de vérité. Près de vrai, j'ai le front parlé du AK-47. Et que je m'estime ou pas, je serai honnête. Irréversible, je porte bien ma veste. Plus rien ne m'atteint, rien ne m'arrête. Je n'ai pas de chien, comme j'ai pas de maître. Je resterai moi jusqu'à perpète. Je suis l'homme à battre, à trancher la tête. Faut plus qu'un marteau pour me clouer le bec. Nanana, j'ai pas pris la grosse tête. Je suis né avec, ils veulent me chasser des pecs parce que j'ai pris du poil de la bête. J'ai nos limites, poteau. J'ai l'attention de mes ennemis. Moi, ils m'acceptent comme je suis. Renie-moi, bannis-moi de ta putain de vie. Je mourrai comme je suis. Désolé my friend. Désolé friend, mais la vie m'a endurci. Endurci. J'essaie de contenir ma haine. J'essaie de contenir ma haine. Sont pour me juger, je me sens bien comme je suis. Je me sens bien comme je suis, poteau. Amour inconditionnel. Ouais. Parce qu'on refait le monde avec des signes. Avec des signes. Il n'y aura pas de happy end. Si tu m'acceptes pas comme je suis. Love, love, inconditionnel love, inconditionnel love, love, love. Hey, tu ne peux me changer, tu ne peux me changer, tu ne peux me changer. Tu dois l'accepter, tu dois l'accepter. T'entends? Inconditionnel love. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hey, pour les petites pipettes, continue à jacter. T'élèves nos limites dans les bacs. Y'a trop de rageux qui parlent, je veux pas les écouter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Je suis jamais surpourvu, personne peut m'arrêter. Ils arrêtent jamais de jacter, jacter. Ils arrêtent jamais de chuchoter dans le club. Condamné, avant même d'avoir été jugé condamné. Condamné, je fais que d'innover. Du nord au sud, tous les quartiers sont inondés. Inondés, je suis cramé dans tous les ghettos. Je suis le rêve africain, trop pas ça me l'étro. Pas ça me l'étro, regarde jamais dans le rétro. Tu veux beaucoup de futur, va falloir faire le ghetto. Leur jugement reste sans appel. Donc je prends plaisir alors foutre la haine. Une paire de pompes et j'ai niqué ta paix. Que Dieu bénisse et KPAL. Laisse-moi planer. Tu peux raconter ta vie, moi je suis sur une autre planète. Je suis sur une autre planète. J'en first class toute l'année. Je vis mes rêves sous les palmiers. Y'a trop de rageux qui parlent, je veux pas les écouter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Je suis jamais sur pause, personne peut m'arrêter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Condamné, avant même d'avoir été jugé condamné. Condamné, je fais que d'innover. Du nord au sud, tous les quartiers sont inondés. Fais péter le son dans ton vaisseau. Cherche pas à comprendre ma vie, compliqué depuis le verso. Compliqué depuis le verso. Vrai de vrai, reste au verso. La puissance du 9-4 est sur classe à chaque morceau. Ils se mange des chiffres, je visuel. Le rap comme j'ai laissé mort au fond d'une ruelle. On me surnomme monsieur criminel. Tic tac, j'ai plus le temps, j'ai droit à l'essentiel. Fructifie mes affaires, ouais. Pour changer de panorama dans une villa en bord de mer. Loin de la Zami, du rap de fer. Je multiplie mes rendez-vous chez le notaire. Je kiffe pas, je veux pas les écouter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Je suis jamais sur pause, personne peut m'arrêter. Jamais de jacter, jacter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Je suis jamais sur pause, personne peut m'arrêter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Y'a trop de rage, je veux pas les écouter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Personne peut m'arrêter. Personne, personne. Yeah. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Yeah. Ils arrêteront jamais de jacter, jacter. Planète rap, 100% rap français. Hey, hey. Leur trappe de merde me fait bégère. OSS. Leur trappe de merde me fait bégère. Coup de sarre. Yeah. Yeah. De retour pour occuper le terrain. Je prends trop de lumière en public, je t'éteins. Le tocard rêve et moi, on n'en fait qu'un. Je bétine le monde depuis mes premiers requins. Ouais. Je suis contraint à avoir du sang sur les mains. Ma boîte surhumain, je suis plus sûr que ton lendemain. Hein, t'as tous les baisers comme dans Gomorrah. Pia, tu sors ton mec, t'en rentreras pas. Alhamdoulilah, on a la baraka. Ouais, on a la baraka. Tu veux tirer sur nous, on a la baraka. Tu fais trop de sous, t'attires les hafridas du crime, je suis le syndicat. Qui peut stopper Ika, son père. Je suis bien entouré, même à Laïka. Armé sans certificat, je porte la douleur d'Africa. Nique ton père, je suis là pour durer comme Bouteflika. Arrêtez de m'appeler frérot. Mon daron n'a pas baisé vos mères. Ils sont fake, des carrières sont synchro. Et arrêtez ça. Mes ennemis sont mes amis d'hier. Mes thugs pleurent, des dames de Belvédère. Pour venir te soulever, tous les feux sont verts. Je préfère avoir le tri sur moi qu'une équipe d'éther. J'aurai ta peau même s'il le faut que je te déterre. En temps de guerre, on pousse nos limites. Eux ils aiment trop la ville et tu as les carrés VIP. J'suis plein de balles en saga, balle main, Philippe plein. Au cas, comme ce sage ton regard crevé de loin. Surprenant comme une balle des 11 à la nuque. Ces rappeurs font plus de merde que leur huc. J'bombarde en offshore pendant que tu rames, fils de pute. Mon plus grand kiff te fait rager. J'sais que tu rêves de ma chute. J'ai mes coronets avant mes biceps. Le langage du pif de la mitraillette. J'te fourra sec, ce rap game à l'aise. Comme dans l'hashtag de Salma Hayek. Hachette. J'ai des millions de vues de ton CD, combien achète. J'suis sur M6 Energy, là ça me donne gros shake. Ma gentillesse est en mode économie. J'rêve de l'urmi depuis gamin, j'suis en autonomie. Aucun de ces rappeurs m'impressionne. Ouais, ouais. Ces orgueilleux reconnaîtront ma hauteur. Une folle dans mon cercueil. Plus populaire que ce petit gros à l'Elysée. En France, c'était éclaté comme le boule à Alizé. Viens d'en bas, t'as le forme de ballon des quartiers défavorisés. Jamais fait le dalle pour une tasse ou pour un petit billet. Non. Je vais t'aiguiller, sans forcer, je vais tout plier. La classe, le talent, le savoir-faire, tout y est. Tout y est. Mon corps est fait pour être battu. Tu peux torcher avec tes lauriers, tu seras vaincu. Tu l'as dans le cul, oui, oui, tu l'as dans le cul. Toi, tu me sous-estimes, même croyez-moi, au fond d'un puits. C'est le niveau au-dessus, au-dessus. Une rafale de chiffres audiovisuels, la sens m'a conçu. J'ai casqué, casqué sans attendre de reçu. Mon passé, je vais te le faire cracher, ton avenir se chie dessus. Ouais. Hey, hey. Mon passé, je vais te le faire cracher, ton avenir se chie dessus. Lâche rien. Mon passé, je vais te le faire cracher, ton avenir se chie dessus. T'élèves dans les bacs, la famille, nos limites. Bleh. Nouvel album. T'élève. Que de la tuerie, que de la putain de dinguerie. Nos limites. Ouais, ouais. OSS, No Limit. J'ai une fâcheuse tendance à... Va chercher, va chercher. À l'instant, No Limit. J'ai une fâcheuse tendance à tout baiser. OSS pour oreilles sensibles. S'abstenir. S'abstenir, voilà. C'est vraiment le seul morceau où tu peux entendre quelques insultes. Non. Une petite remise. Non, mais de temps en temps... Bref, Enfin, il faut de temps en temps, petite, remets les pendules à l'heure, tu vois, histoire d'expliquer que c'est pas parce que vous voyez tout le temps, vous voyez pas faire que de la trappe ou autre chose que vous croyez que ça rappe pas sec, tu vois ce que je veux dire. Ah bah c'est la preuve là avec cet album aussi, hein. On l'entendait sur les différents morceaux qu'on avait déjà pu passer. Si vous avez pas jeté une oreille encore sur nos limites, je pense qu'on a eu la preuve. Ouais, moi pour moi c'est un album complet, varié, pour tout le monde. Tu peux écouter en famille, tu peux écouter dans la street, dans la gova, sur le parking, où tu veux, en club, en chicha, voilà, en vacances. Pour moi c'est, voilà, il a pas l'exposition qu'il mérite. C'est clair qu'aujourd'hui tout va vite. Et que voilà, j'ai l'impression c'est ce qui marche, c'est le rap McDrive quoi. C'est le rap, voilà, c'est, ça passe vite au drive et tu prends et bam, ça part et ça disparaît, tu vois. Et que voilà, c'est un album de qualité, on s'est pris la tête dessus. Certains ont pu voir tous mes clips. Je pense que cette année, j'ai apporté une très très belle image au rap français. Voilà, les clips sont très bien travaillés. J'ai été au Canada, j'ai été à Los Angeles, je suis parti en Guadeloupe. Voilà, j'ai été nos limites pour faire tous ces clips. Donc voilà, l'album, je pense que il mérite sa chance d'être bien exploité, bien exposé et d'avoir une meilleure visibilité. Parce que voilà, c'est pas un album street qu'on peut vendre que sur le web. Eh bien, tu vois ce que je veux dire? Il y a des albums que tu peux vendre que sur le web, c'est des street tapes déguisés en album. Ça marche en digital. Moi, mon album, voilà, sort un album de pop urbaine, de rap urbain, et de voilà, comme Soprano, sort le son Skyrock, sort le son Energy, sort le son sans toutes ces radios, sans toutes ces télés. Tu verras ce que ça fera. Tu vois ce que je veux dire, forcément. Donc, forcément, on a besoin de ces médias qui poussent notre créativité, notre côté artistique. En plus, on est dans la positivité, on n'est pas dans le négatif. Voilà. Téléphone nos limites, allez, nos limites, il est dessus. Dans les bacs, la famille. On va écouter une dernière session avant de passer au live. Tu nous présenteras la Bopé dans un instant, le collectif Bopé, la Bopé. La Bopé, la Bopé, la Bopé. La Bopé dans un instant. Et là, on repart sur Rêve et Cauchemar. Oui, le clip est de ton ligne, la famille. C'est pas un clip, c'est un film, gros. Rêve et Cauchemar. S'en sortir tout en craignant le pire. Souffrir pour réussir sans compromettre son avenir. Entre rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. Rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. On se bat pour s'en sortir tout en craignant le pire. Souffrir pour réussir sans compromettre son avenir. Entre rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. Rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. Il dit que à lui, qui tuerait pour la gloire. Je l'ai croisé dans ma vie, entre rêve et cauchemar. Il avait trop d'amour pour la monnaie. Il était prêt à tout, prêt à tout pour briller. Oh, oseille, c'est l'essentiel. Y'a rien de confidentiel. J'ai vu les anges monnayer, troquer leurs ailes. Piscine sur le toit du gratte-ciel. Assoiffé d'argent et de reconnaissance. La célébrité sera sa pénitence. Quand le succès prend ses distances, c'est la descente aux enfers, la déchéance. Dans la lumière va se la raconter. Mais il était plus prudent dans l'obscurité. Il a oublié d'où il vient et qui il est. Stop, sa famille prend de haut ceux qui l'ont aidé. Ne voit que lui, c'est tout pour lui. Même le soleil se fait petit la nuit. Car rien ne brille éternellement. L'argent, les problèmes s'attirent comme un aimant. On se bat pour s'en sortir tout en craignant le pire. Souffrir pour réussir sans compromettre son avenir. Entre rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. Rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. On se bat pour s'en sortir tout en craignant le pire. Souffrir pour réussir sans compromettre son avenir. Entre rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. Pas surpris si la vie n'a que la mort à t'offrir. On fait tous une place au paradis, mais personne ne rêve de partir. Pour tout ce qu'on doit accomplir, afin de posséder tout ce que l'on désire. Dur de garder le sourire, de tenir le cap quand le bateau chavire. Ne baisse pas les bras face à l'avenir, même si la réussite met du temps à venir. Jour comme de nuit, tes cauchemars viendront tenir. Pour t'y crois plus que t'aies envie d'en finir. Pour fumer la vie, fais le plein munition. Va cambrioler tes rêves, te laisser en caleçon. Pas besoin d'être assisté dans ma direction. Si je kidnappe le présent, le futur paye la rançon. Pas pour s'en sortir tout en craignant le pire. Souffrir pour réussir sans compromettre son avenir. Entre rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. Rêve et cauchemar, rêve et cauchemar. Pousse pas pour s'en sortir tout en craignant le pire. Souffrir pour réussir sans compromettre son avenir. Entre rêve et cauchemar, réveil cauchemar. T'inquiète pas, on sait ce qu'on fait. Iso à la guitare. Big up Daoud. Chez Isotronic. Big up Abyss Music à la prod. Yann Takta. Red Nose 9-4. Rêve et cauchemar. Planète Rap, 100% rap français. Classique No Limit. Maman. Big up à toutes les mamans. Et à la mienne avant tout. Yeah. Pousse-le soit à fond. Pousse-le. Classique. Le paradis sous tes pieds, laisse-moi les embrasser. Oublions le passé, maman. Y'a tellement de choses à vivre, et bien que l'orgueil nous enivre. Tournons la page du livre, maman. À tous nos actes manqués, toutes ces années cachées. Oublions le passé, maman. Y'a tellement de choses à vivre, et bien que l'orgueil nous enivre. Tournons la page du livre, maman. Pourquoi on les dire la vie quand on peut la rendre plus belle? Aucune médecine ne peut guérir nos blessures internes. Maman semblait cruelle, enfermée sur elle-même. Parfois sans aucune once de bonté en elle quand elle laisse parler sa colère. Maman est une fleur, que le bonheur effleure. D'ici j'entends que tu pleures, n'attendons pas qu'un nous meure. Maman, ton malheur t'a endurci au point de ne pas assister au mariage. L'aile de ton Sophie, mais pas vers toi, n'ont pas suffi à t'atteindre. Tes petits-enfants ne connaissent pas leur grand-mère, j'en ai mal au ventre. J'en souffre du plus profond de mon âme, l'orgueil, la fierté nous éloigne. Membre d'une famille disloquée, bloquée dans le passé que le vécu condamne. Je tire l'alarme, pourquoi faire faux bond à l'inévitable? Tôt ou tard on se retrouvera autour d'une table ou d'un lit mort à l'hôpital. Et ça serait regrettable. L'amour du maire ne se négocie pas. Mais pour trop voir je suis prêt à t'offrir tout ce que je n'ai pas. Le paradis sous tes pieds, laisse-moi les embrasser. Oublions le passé, maman. Y'a tellement de choses à vivre, et bien que l'orgueil nous enivre. Tournons la page du livre, maman. À tous nos actes manqués, toutes ces années cachées. Oublions le passé, maman. Y'a tellement de choses à vivre, et bien que l'orgueil nous enivre. Tournons la page du livre, maman. Issue d'une histoire douloureuse. Une histoire douloureuse. Une histoire douloureuse. D'une femme qu'on a force à se marier. À peine adolescente, elle a vu sa vie s'envoler. Destin violé, on lui a volé sa jeunesse. Il s'est passé 4 piges pour que ses 3 fils naissent. Un an après ma naissance, elle a dû quitter le bled. J'ai vécu toute mon enfance loin d'elle, chez ma grand-mère maternelle. Pour la retrouver, j'ai traversé la planète. 8 années sans la voir, j'arrive en France. Apparemment, elle a refait sa vie. Mais maman n'a jamais eu de chance avec ses maris. Son père, on s'est cru tout permis. La serme, il nous a pris en otage. La violence, les cris ont pris place. Elle n'a pas appris à aimer, mais à se battre. Maman se cache dans sa chambre pour pleurer de toutes ses prières. Courageuse, généreuse, elle a beaucoup donné comme une guerrière. Je rêve de la voir apaisée dans une villa haute baie. Elle a connu le parloir et le resto du cœur. Maman, désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Toutes ces douleurs que je t'ai causées. Ça déborde de rancœur et de fierté. Mais je suis et je resterai ton bébé. Le paradis sous tes pieds, laisse-moi les embrasser. Oublions le passé, maman. Y'a tellement de choses à vivre, et bien que l'orgueil nous enivre. Tournons la page du livre, maman. À tous nos actes manqués, toutes ces années cachées. Oublions le passé, maman. Y'a tellement de choses à vivre, et bien que l'orgueil nous enivre. Tournons la page du livre, maman. Issue d'une histoire douloureuse. Une histoire douloureuse. Une histoire douloureuse. Embrasse ta mère pour ceux qui n'ont plus l'occasion. Maman, tu manques. Tu peux pas faire le deuil de ton garçon. Oublions le passé. Inch'Allah, les choses s'arrangeront. Bise. C'est la nocturne, donc on le disait, des morceaux, voilà, puissants aussi hein, sur cet album. Entre très. Entre grand frère, entre maman à l'instant. On a plein d'autres, il y a l'abri, c'est un morceau, voilà, comme j'ai dit. Voilà, c'est mon premier album solo. Donc voilà, t'es obligé de faire un classique. Les gens ne sont pas encore au courant, pour ceux qui ne sont pas au courant, allez chercher l'album No Limit. Voilà, je me suis vraiment livré, j'ai pas eu l'opportunité sur les précédents projets de me livrer. Donc voilà, je me suis imposé ce titre, No Limit, dès le début. Je dis voilà, parce que quelques galères, tout ça, à un moment donné, t'as envie de ressurgir, t'as envie de... Voilà, il s'agit d'existence, il s'agit de passion, de musique, de créativité. Donc je me suis dit voilà, je vais pas mentir au public. Je vais me lâcher, je vais un peu comme Tupac a fait dire Mama, comme Eminem aussi. Tout le monde fait des morceaux voilà, sur la famille, etc. Et moi, j'ai parlé avec le cœur, et j'ai sans calcul, et c'est que positif. Voilà, le message, il est positif de A à Z. Celui qui me dira le contraire, c'est un monstre. Il a pas de cœur, il est mauvais. C'est un message plein d'amour pour ma mère, toutes les mères. Voilà, donc faut en profiter tant qu'ils sont là encore. Voilà. Bon, Iqbal, si tu veux bien maintenant, j'aimerais que tu nous présentes et que tu nous parles de la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. C'est la famille. Donc c'est un collectif, la bopée. C'est un collectif, ouais. La bopée, ils sont là. Il y a Mounts. Il est là, il y a Stucky, Estarcé de Pomme Finègre, il y a Junai Hunter, des Comoro Teams, il y a Dramon Delce, Comoro Teams, il y a Zangui qui est là, Zangief, il y a tout le monde qui est là, Mana, il y a Ghost Dog, il y a Serrano, Black Serrano, voilà, il y a des Marseillais, il y a des Parisiens. Bon voilà, c'est un collectif de jeunes talentueux, de jeunes talents, on va dire d'origine des îles Comores. Des Comores, ouais. Voilà, est-ce que justement bopée veut dire quelque chose, la bopée, est-ce que ça a une signification particulière? On cherche encore. En gros, voilà, on a kiffé, c'est Zangief, il a trouvé le blaze. On proposait, on cherchait, et on voulait en fait, en gros, on voulait réunir entre nous, on est des copains, on se connaît, voilà, on se croise, on s'appelle, on connaît les darons, la famille, tout ça. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas réunir tout ce monde là et faire avec le poteau Nasser, 19e, on s'est dit pourquoi pas réunir tout ça et faire quelque chose de beau et commencer à écrire une histoire, quoi, une histoire qui inchallah va nous amener loin. Voilà, après Zangui, je le laisse parler, ouais. Du 14e, voilà, il va nous expliquer pourquoi la bopée. Alors Zangui, pourquoi la bopée? Pourquoi la bopée? Ouais, Guizan, ouais, Guizan. Explique à la France. La bopée, c'est une brigade organisée. Des anciens voyous, on va dire. Professionnels. Ils rentrent dans les favelas pour nettoyer le game. Équipés, voilà. Ils rentrent dans les favelas pour nettoyer le game. Voilà. Et donc le début de l'histoire. Consommation. On va créer le rap. Le début de l'histoire, il y a un morceau qui s'appelle Madaba, qu'on retrouve sur le projet No Limit. No Limit, ouais. Ouais, c'est le dernier titre de l'album, l'album dans le CD, on va dire, parce qu'il y a 22 titres en digital et 19 sur le CD. Donc voilà, et Madaba, c'est un plat comorien. Starcé, t'expliques? Ouais, Madaba, on s'est réunis sur le morceau Madaba dans l'album No Limit. Voilà, c'est plusieurs artistes qu'on leur parcours, qu'on rejoint IK pour ce collectif. Donc voilà, c'était un grand, grand plaisir. Un grand, grand plaisir d'être là et voilà quoi. Il y a des bons retours, il y a le clip sur net. Et alors Madaba, qu'est-ce que c'est Madaba alors comme plat? Moi j'ai envie de savoir. Le Madaba, c'est des feuilles de manioc pilées. En fait, que tu mélanges avec du coco, du avec poisson, la noix de coco, et puis tu vas se manger avec du poisson, de la viande, du riz, la coco, la et t'as l'accompagnement, c'est du riz. Généralement, c'est du riz, mais les blédards, ils mangent ça avec du pain. C'est rien ça pour nous, ça. Madaba, on... voilà. Et puis, mais les Congolais connaissent Saka Saka, c'est un peu comme le Saka Saka. Sauf que nous, on a rajouté un peu notre touche, et voilà. Madaba. Et bien, on l'attaque en live maintenant. Voilà. Ouais. Vas-y, on y va. On funègre dans la maison. La Courneuve, 14e, 91, 94, Limite, Marseille, Mana Machiavelli, Ghost Dog, Wash. Stoppez vos conneries, les commodos sont toujours au top. Le rap game c'est comme du madaba, on va se grailler. Fox qui nous méprise, on maîtrise du sud jusqu'au nord. Le rap game c'est comme du madaba, on va se grailler. Sans obligé de prendre mon flingue et tous les douillés. Tous ces rigolos qui sentent l'alcool du rap. Personne n'est fort, non, personne n'est fait. Une chose est sûre, ça tue plus la mort. Respire encore, la vie elle est belle. Et perds tous ses moyens quand tu crèves. Fais le chabot, fais le chabot. Toujours chanter le sang chaud. Fais le chabot, fais le chabot. Toujours chanter le sang chaud. Moi je consomme le seum, ça sur la frappe du 19 qui vient de Paris. J'arrête, quartier sale, coupe, j'arrête de police. Le black Cyrano, fuck tous ces haters. La pression monte jusqu'au taga. C'est le 91 pour mes magas. Tu peux pas tester le manga. J'tors ce fils de Ali. On t'a déjà dit Faya Marekani. Vous me venez que j'en veux les Mali. Pour la part des millions d'Isariali. Ils m'ont pris pour Amjinga. Ouais, j'ai sorti le Mzinga. Coronet en guise de Blinga. Ton équipe de Saramba, on a plein le Stringa. Qu'est-ce que tu croyais? On était bon qu'à aboyer. On est venu t'arracher la nuque. Tamzade nous fait des ziguelé guélé comme au foyer. Stoppez vos conneries, les commandos sont toujours au top. Le rap game c'est comme du madame, on va se le grailler. Donc ceux qui nous méprisent, on méprise du sud jusqu'au nord. Le rap game c'est comme du madame, on va se le grailler. C'est fini la teuf, t'es boule en taxi, brousse devant chez ton rêve. Wesh, t'as vu mes rêves, en deux temps, trois moves, tu finis chez les cœurs. Et cassant le madama, mets-le au sac en le tchambaza. Comme moi, y'a nos limites, on veut tout et tout de suite, pas demain, avassa. Avassa, prenez mon blaze, moi c'est Delce, moi c'est Delce. Pas les conseils, moi de percer. Sans mes chigomas, toi rabou, le mzinga t'a fait danser. Condamné, condamné, condamné. Le rap français est condamné. Condamné. Devant la puissance de mon bled, ils finiront par se faire rappeur tout mêlé. C'est vieux rappeur tout mêlé. Niquer leur mère, baiser leur meuf, fais un bonus tu mêlé. Si fait le mal, un vol mêlé. 2 millimètres, je fais le ménage dans la mêlée. Si sur le pro league, personne voudra s'en mêler. Tu me dois aïe, puis t'arrives pas à mieux. Tu me dois aïe, puis t'arrives pas à espèce d'un. Il veut déclencher ma folie, il veut la misère comme si j'étais avec Salma Hayek. On arrive en équipe, nos limites et Salim. Nasser en bécane, un beat cette liquide. La dalle comme des bites, on vient prendre tous les titres. Du rap game, mais les styles, du DJ sur les styles. Crois pas qu'on est qui, crois pas qu'on est qui. En tant que garçon, les hits, en famille, se font les fites. Crois pas qu'on est qui, crois pas qu'on est qui. Une bécane, un casque, une calache. Et on te liquide. La touche vient, on parle mal. La touche vient, on parle mal. Pour neuf, c'est pire que Baltimore. Tonight. Viens pas test, on te die. Viens pas test, on te die. Vu l'équipe et tu sais Jack, c'est mort. L'addition sera salée. On sera salée. On va tes conseils. Aïe. On est là pour faire du sale. Je rappe pour mes rings. Parle monnaie, fais pas Timénic. Soldat comme rien. Rap, ça veut rien. Bang, bang. Comme rien. City gang, note ma clique. Verbal prolique, lyrics automatique. Bang, bang. Bang, bang. Laisse-les parler, laisse-les parler. Parler, laisse-les parler. Game, on l'a qu'à parler. A qui tu veux me comparer? Tonight Hunter, bien sûr qu'on est paré. C'est le 750XIV ma vie. Département trafiquant et quand t'es dans la ville. Ce soir la tate pas, grosse équipe les Black Stars. Pas des pirates rap, pour les caisses à drive-by. Si, si, pas de ceux qui c'est sûr. Sûr, c'est sa veste qui les vise, c'est busy. Daza, comment y'a du one for? Comment est-ce ta loca? Soldat qui gazi, tcha. Eh ouah, tu connais la race, trahi pas la Honda. Les gars donnent la seule fort. C'est la caille qui est en guillemets. Comme d'hab, on les met dans le zéro. Purple money business. Purple money gang bang. 1-8-7, Nasser, nos limites. Comme d'hab, ça fait bang bang. Stoppez vos conneries, les commandos sont toujours au top. Le rap game, c'est comme du madame, on va se grailler. Faut que ceux qui nous méprisent, on maîtrise du sud jusqu'au nord. C'est comme du madame, on va se grailler. Dis-toi que la saleté m'a choisi. Un pompe-feu, nègre ne fait que du moisi. Je rentre dans la cabine, elle fait une hémorragie. Je rôde avec les solides, fuck les négros fragiles. Pour moi c'est facile, t'atteins sur la cible. Y'a un trahis, c'est mon cadeau et la cible. On crée la surprise, et on rafle tout. Là où tu ne m'attendais pas, un peu comme un mirabdou. C'est qui? Zembe, Ciso, Ika. c'est Nadizo. On rentre dans ta histoire en insultant le fusio. C'est les rageux, on les élimine. Je suis allé de la lune quand je t'illumine. Voilà, faut que tu saches que t'es respecté. C'est 10 millions, mec, je suis dans les mines. On tabasse l'instru comme les mamas. T'as les Maolida, Mino, faut les Mjamba. Je marseillais, mon négro, on tabasse. Face à mes ennemis, parce que c'est nos limites. Faut oublier que j'ai de l'épaule. Faites pour défoncer les portes. Business, business. J'arrive pour rien, on oublie la finesse, finesse. Je fais tout pour rentrer dans le Guinness, Guinness. J'arrive avec un démon qui blesse. Pendant qu'il meurt, mon écho. Y'en a de Guinness, Guinness. Pas besoin de trop parler. C'est sur nous maintenant qu'il faut parler. Je vais chanter comme Malé 976, Maoré. Stoppez vos conneries, les commandos sont toujours au top. Le rap game c'est comme du madaba, on va se grailler. Faut que ceux qui nous méprisent, on maîtrise à du sud jusqu'au nord. Mais je m'assure déraminé. Ils aillent tous faire enculer. La taille du top de la France émancipée. Ma pèse ça. Limite, nos limites, gros. Ma pèse ça. Nos limites, gros. Toute la jeunesse comorienne de Marseille à la Courneuve, à Dunkerque, Vitry-sur-Seine, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 7-5, 7-6. Tous les comoriens partout, vous vous cachez. On est là pour vous, on est là pour vous. On est là pour vous. Tous les comoriens partout, vous êtes. Tous les comoriens. La popée, la popée. Et le morceau Madaba qu'on retrouve sur l'album No Limits. No Limits, c'est ça. Avec une sacrée équipe en tout cas. Avec Black Cyrano, avec Mana Machiavelli, Zangief, Pompe Funèque. Du quoi, Fred? M.O.H. C'est pas bon. C'est du très lourd, les gars. Bravo à vous, en tout cas, pour ce merci, Fred. Comment rien, tous les rappeurs, comment rien. Jondo. Iqbal, on va repartir là sur une session. Donc, on va se mettre en mode Talent Fâché 5. Talent Fâché 5 qui arrivera donc avant la fin 2016. Ça ouais, Inch'Allah, la rentrée septembre 2016. Ouais. On est dessus, on enregistre, on commence là à peine. Voilà, on a au moins 45 rappeurs. Voilà, si ceux qui veulent y participer aussi, toujours à la recherche, vous pouvez m'envoyer vos sons sur ma page TLF, ma page officielle TLF. Voilà, en privé, vous m'envoyez. Voilà. On repart avec quoi alors comme morceau? Ah frérot, on part avec le titre des frérots de Pompe Funèque qui s'appelle Panama. Panam City. Très lourd. Extrait de Primavera. Aïe. Yeah. Projet Primavera. Yeah. Allez, c'est allez, vous pouvez aller voir le clip. Très lourd. Yeah. C'est parti. 91. Wesh le Val d'Oli. Wesh la réveille. Talent fâché. Talent fâché. Wesh Belikovic. Talent fâché. Maravic. Talent fâché. Écoute ça gros. La police suite de Panama en boule. T'es dans le RER, c'est la MERTE. On en a marre de Paris. Mais quand on ride en province, je peux dire que c'est notre fierté. Nous c'est la banlieue. La banlieue. On aime la capitale et c'est au lieu. La fée 9-2-9-3-9-4 ouais, Paris sans un sou, c'est Mazaronie. La réforme. Comme tous les corps sont en vert. Comme toutes médailles à son revers. Fais gaffe à qui met quoi dans ton verre. Pan est gratuit même quand la conso est offerte. Les mecs de test sont camotés. Est-ce que c'est la scène ou c'est des VTC? Le truc du mec le TGV. Les petits se foutent en l'air comme un CDG. Malgré tout on vit ensemble. Terrasse ou Bataclan on meurt ensemble. Ensemble Renoir. Tiens, y'a El Khelaifi qui nous rassemble. Y'a El Khelaifi qui nous rassemble. Un Nasser. On est là le gros. Sur les papiers. Moi je suis pas français, je suis pas indien. Panam, Panam. Ça sent ma fée et le tagine, tagine. Dans nos banlieues, rien n'est facile, facile. Rien n'est facile. Je sais pas si tu imagines, imagine. Je sais pas si tu imagines. Malgré ça, ma ville est magique, magique. Panam City, Panam City. Panam, Panam, Panam City. Hey. Panam City. Panam, Panam, Panam City. Panam City. Panam, Panam, Panam City. Hey. Panam City. Panam City. Panam. C'est vrai que c'était la plus belle la nuit. Ouais, ouais. Elle peut t'en faire voir de toutes les couleurs. Prima en même Vera. Temps te faire voir l'ennui. Et à minuit, ouais. Tous les chats sont gris. Ah. Des filets de chats sur les champs. Vroom, vroom. Benz et Ferrari. Yeah. Minimum 3 chiffres pour ta bouteille de champ. Oui. Primavera. Prépare-toi la feuille si tu vas, c'est pas pour rigoler. Yeah. Yeah. Yeah. Sinon, ne dépasse pas Bastille. Un gras, il t'a crêpe en poulet. Certains ils vont pour picoler. Bessie One, n'y ramène pas ton pistolet. Yeah. T'as une chance sur Scoot. Une autre. Si t'es plaqué neuf, va te faire contrôler. Primavera, Panam, Panam. Yeah. J'suis lié à toi comme à ma femme. Personne ne peut résister à ton charme. Tu peux demander au couple Beckham ou à Zlatan. Panam, Panam. Des Ibines à la cinéma. Du Val d'Oise au Val de Marne. Quand y'a un drame, non, personne se marre. Tout le monde veut la tête de celui qui les coupe. Tu supportes pas le PSG mais en LDC tu veux qu'il soulève la cour. Tout est lumineux dans la ville, Paris by night, ça vaut le détour. Trop de bonnes meufs au mètre carré, normal qu'on compte le plus de vos tours. Bienvenue dans ma cour. Panam, Panam, Panam. Ça sent ma fête et le tagine, tagine. Dans nos banlieues, rien n'est facile, facile. Sénégal, Mali. Yeah. J'sais pas si t'imagines, magie. Algérie, Tunisie, Maroc. Malgré les amas, filet magique. Tout le monde. Panam City. Panam, Panam City. Panam, Panam, Panam, Panam City. Hey. Panam City. Panam, Panam, Panam, Panam City. Panam, Panam City. Panam, Panam, Panam, Panam City. Yeah. Panam City. Panam, Panam City. Tu veux goûter toutes les saveurs du monde. 91. Ouais, un titu. On est tous différents. Bonjour, on vient de Raveil. Quoi? Quoi? Wesh, Bondinor. Tu veux goûter toutes les saveurs du monde. Panam City. On est tous différents, mais parisiens au bout du compte. Pompunero, Primavera. Panam City. Panam City. Panam, Panam, Panam City. Panam, Panam City. Panam, Panam, Panam, Panam City. Panam, Panam City. Panam, Panam, Panam, Panam City. Panam City, Panam City. Ça sent ma fête, le tagine. Pompunigue, Primavera. Primavera. Allez checker sur YouTube, Pompunigre. Avec un G, pas un B. Nos limites dans les bacs, enfoiré. Panam City, Panam City. Panam, Panam, Panam City. 7-5. Panam, Panam. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-8. Même le 13, il est là, Panam City. What attitude. Regarde Mana Machiavelli. Ghost Dog. F-O-H. Panam, Panam. What attitude. Panam, Panam. Qu'est-ce fumé. Nos limites. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hey, spécial pour le poteau. Moons. Écoutez ça. Moons. Remix. Talon fâché 5, ça arrive. Ah, ah. Ok, Moons. 19ème. Moons la 6e, 19ème, 75-019. On va aller chercher nos limites dans les bacs. Et quand on l'a ce fort, on est ensemble. Skyrock, tous les poteaux ballons, on en là. Ça va déchaîner, gros, c'est chaud. Ok. Ah. Moons. T'as reconnu ou t'as pas reconnu celui-là? Non, le remix, la famille, hein. C'est un remix, ne hein. T'inquiète pas, gros, ouais. Mieux. Tu le connais ou pas celui-là? Mieux que l'original. Ok, hein, ça a fait. Ok, yo. Flow stérile, vous connaissez même pas la story. J'envoie des punchlines techniques à la basse story. Quand je marche, fais une petite danse à la story. De 0 à 5, personne pourra m'atterrer. Dans ma tête, y'a un tâteré. Peu importe ce qu'il y aurait. peu importe ce qui aurait été instauré. Je suis en hyper forme donc je vais vous perforer. La con qui me fait taper des barres de rire. J'en veux pas tes rimes, flow pas tes rimes. Quoi, deux barres, t'es red, barre-toi. Moi, je veux juste gré ma part de riz. C'est hallucinant. Hein? Et votre licenciement. Ça construit des carrières. Sans but, tu mets sans ciment. Depuis les premières 4 mesures, ça va mieux sinon. Ça sent l'assassinat bestial. Comme Ken, attends, c'est mon sens, c'est mort. Bête d'avoir des couilles sans semence. Ou être tellement en chien qu'il peut se faire, j'écrase sans ses mains. Flow de feuilles de flamme, il faut du sang, c'est moi. Faut de feuilles de flamme, même si c'est pas sain chez moi. Ramène-moi ton rappeur où tu veux, quand tu veux, des feuilles. Où tu veux, gros. C'est ça. Je ramène du peur à de qualité. Mes négros sont parés, mes négros sont pravés, mes négros sont calibrés. Fais de l'option, va te yer, bang bang. Fais de l'option, va te yer, bang bang. Fais de l'option, va te yer, bang bang. Fais de l'option, va te yer, doux. T'as capté ou pas, hein? Je ramène du peur à de qualité. Mes négros sont parés, mes négros sont pravés, mes négros sont calibrés. Fais de l'option, va te yer, doux. Fais de l'option, va te yer, doux. Fais de l'option, va te yer, doux. Tu veux qu'un heure, on va te niquer ta soeur à coup de fibre au taser. T'as deux options, sueur et ton front, ça je vide mes couilles, ça je vide le chargeur. Ratatatatata, je veux du bif, du bif, encore du bif et du bif. Bas les couilles de vos stories à deux balles, cassez-vous tous négro sinon je vous bif. Bande de bif, je balance le titre, vous êtes dans les 20 mais vous faites pas la div. Tu sais qu'ici je fais du bœuf et du bif. C'est plus de pif, votre homme suce la bif. Négro c'est triste, négro c'est triste. Ce sont même pas des stars mais ne font que me pister. Négro c'est triste, négro c'est triste. Ils ont tellement leur cul que je finis par les fister. Bande de fils de, on s'en bat les couilles. Je te l'ai déjà dit, on s'en bat les couilles. Sur le dos taracli, le champagne est cool. Ton gars va y court. Je ramène du beurre à de qualité. Parle-moi bif ou me parle pas du tout. On a faim négro, ouais on veut des sous. Il faut qu'on souffre car on a souffert. Ça soit les algos, village, la mif sous écrou. La hanou la CG. On est ensemble. En bif, on vous appellera pas. Madaba, madaba. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr négros sont braves et mes négros sont calibrés. Fais de la psy, on va te yé tout. Fais de la psy, on va te yé tout. Fais de la psy, on va te yé tout. Fais de la psy, on va te yé tout. Comment on se Allez, allez, allez, capter l'inspi, on va ensemble. Si, spécial PLF, nos limites dans les bagues. Zanguilleuf. Pour tous les refrains fermés, big up à tout le 14ème. Tihak, allez tous chercher nos limites. Fleury. Fleury. Je ferme pas ma boca, même si ça devient choquant. Dans ma tête, c'est le bazar, c'est sous comme un rockma. Fini l'époque, bid époque. Bibi la coca, la bugue dans le froc. Khalas, bébé veut Bibi la mort. Dans le checkar, ils veulent devenir plus forts. Ils suivent les plus fous qui en vrai que des salopes. Calibre en main, dis-moi si tu vas le fort. Si un jour je devrais vraiment déclarer le gloire, m'étais promis de les fuck, mettre à l'abri mes proches. Les malheurs des enfants, le bonheur des potes. Pif, bitch, triste réalité. Mentalité de la street, trop nage, j'espère la quitter. Un bon appel d'un frère, crois-moi, ça fait cogiter. La tease et le bise, on ravageait le quartier. On ravageait le quartier, liberta. La tease et le bise, on ravageait le quartier. On nous la met en entier, vis qu'il est vil. Silence ici, c'est danger. Ici, ça bosse en un sauce. Fais croquer la mif, c'est à quoi de nous faire. Graillé, fais croquer, gros. Fais 22 c'est d'esprit. Liberté, ouais, petit hack. Libérez les proches, libérez les proches. Ouais, petit Greta, liberta. Libérez la famille, libérez la famille. Liberté, big up le grand refrain. Libérez mes proches. Bientôt la sortie, Inch'Allah. Liberta, Dieu, libérez la famille. J'ai l'impression de me voir dans une impasse. passe entre le deal et le deal, j'fais du sur place. Ça part en couille, tout le monde s'affole. Pour un bout de papier, c'est dégueulasse. Fuck ta sympathie, mon pote. Si derrière moi tu m'enfonces, viens ton bloc. Ramasse tes couilles, remballe ta mouille. Petite fripouille, je vois que t'as la tremblote. Salope, la définition d'un fils de pute. Il veut me voir plus bactère, enculé, ta répute. Tu crains la mort, l'ami. Crois-moi, c'est pas la vie. Calibré dans check, Sony a tué Mani. Ce que me tue pas me rend plus fort. Jamais, jamais. Nia me chuchote, le chétan est ravi. Ce que me tue pas me rend plus fort. Purple money business. Nia me chuchote, le chétan est ravi. Ça vend pas de life, ça rôde la night. 6h du mat, au taquet c'est bad. Travaille bien en 5:30, open the bastos. Des fourrailles en constance, ramasse tes assos. Si, c'est pour mes locaux. Carnal, et c'est la vida loca. Carnage, si tu touches à la mama, yemaga mwenzo. Si, c'est normal. Liberté, liberté, libérer nos proches. Moi je m'a dit marche bientôt la sortie. Libérer la famille, libérer la famille. Liberté, Gautier, libérer mes proches. System, yeah, le ketchup. Liberté, libérer la famille. Libérer la famille, Gautier, libérer la famille. Tous les frères enfermés, ketchup, Flori, l'album, Fred, les bons mecs. Vilcat, continue l'album, les frères. Yeah. Le meilleur album il est là. Jeune de limite. Pour un bout de papier c'est dégueulasse. Moscou. Liberté. Liberté. Hop top. Moscou. Liberta. Yeah. Liberta. Rizzo de Paname. Yeah. Ben Kamikaze. Johnny Jumper. Salut quoi. C'est un. Yeah. Tous les refrains au placard. A tout. Yeah. Tous mes gars des Dalia. Fleury. Qui sont enfermés. Fred. Fleury. Les mecs de Vichy sont enfermés. Ouais, Youssouf. Ça dit quoi. Les mecs de Créteil enfermés. C'est la nocturne. Ah, c'était pas mal celui-là. Ouais. Avec talent fâché. Là, on a basculé talent fâché, hein, ça arrive. Là, c'est tous les artistes. Voilà, c'est des artistes qui seront dans Talent Fâché 5. Voilà, comme j'ai dit, si vous voulez participer au projet, envoyez-moi plein. Envoyez-moi ce que vous voulez sur la page officielle TLF, il n'y a pas de souci. Voilà, le site Talent Fâché 5 est en train de se monter. Tout est en train de se mettre en place. On va enchaîner ça. Tout le monde sait que Talent Fâché, c'est la plate tournante du rap français. Voilà. Donc allez guetter, puis envoyez donc vos sons aussi ainsi. Envoyez. Là on a écouté Zangief, on a écouté Pompe Funèbre, on a écouté Mons du 19, Zangief du 14e. Là on va enchaîner, voilà. Avec Charbonnet maintenant. On va se mettre en mode John Doe. La folie au Mike, il est là. C'est John Doe, morceau s'appelle Charbonnet, 14e. Écoutez ça. Charbonnet. Sur Talent Fâché 5, c'est la famille, ça va arriver lourd. Il est fou. Rap for money mixtape. Gang. Pow pow pow. Grab. Rap for. Let's go. Gang. Bitch damn. Charbonné. Pour mon projet j'ai du charbonné. Je peux parler sur moi man, j'ai charbonné. Je n'oublierai pas même si je dis que je t'ai pardonné. Je marche dans la rue en solo, c'est pour charbonner. Damn, damn, on parle à moi. Ooh, no, t'es mal mon style. À tout moment on peut finir dans les infos. Demande à Moscou, raconte vise dans le mille. Extendo, flick it there is. Cooking up. Il faut du blé donc on coupe la dos. Pour vos soirées j'ai de la weed. Rien que je débite dans la street ou en studio. Studio. Contrôle la street, ADP avec Zangief. BMB gang c'est la muse, c'est l'enseigne. Parle ma vie, ouais je te le dis c'est ma tarme. J'parle même anglais, j'ai des euros épargne. International et ma monnaie. Ceux qui ont besoin de téléphoner. Premier qui freestyle manie devant moi, je vais le pilier. Un tas de rappeurs de merde en France, y'en a des milliers. Ceux en Inde sont meilleurs que ces niais. Ils critiquent mes sons alors qu'ils sont en train de saigner. Mo, ni, il faut des sous. Si tu nous doutes, finira dans les news. J'sens sur la zone avec Dubs et Dakar. LVS gang jusqu'au plouc. Ils se demandent tous combien j'fais dans la street. Dans la broche en main, j'ai aucun billet. La porte chez moi est ouverte, namasté. En dessous du lit, j'ai le jouet. Dis-moi, t'as kiffé la tape. pour le mixtape. Ceux qui critiquent, moi je vous sève dessus. Comment ça doit, je prends mon yep. Les jaloux se perdent, je vais tous les faire taire. 24 ans sur terre, dans un milieu austère. Je me dois de réussir, ouais, j'ai pas le droit de fuir. Nouveau gamin volé en 4 contrôle, j'ai comment faire. Pour 50 balles, ils font tous des économies. Avec Jihak, on se les prend, vous faites bolerie. Certains pépons pour du shit ou des brocolis. T'es belge de Kenick, ta mère si t'es ugly. Fait que je suis trop fèche. Docteur, tu les blagues ta French. John Doe, Flo en Givench. Je vois qu'à tout va comme dans Bench. Je suis le king de la jungle. Appelle-moi John Doe ou Moufesse. On reconnaît les buts à leur face. Dans tes oreilles pour la France. Charbonné, charbonné, charbonné, charbonné, charbonné, charbonné, charbonné, charbonné. Pour mon projet, j'ai du charbonné. Peux parler sur moi, man, j'ai charbonné. J'oublierai pas même si je dis que je t'ai pardonné. Je marche dans la rue en solo, c'est pour charbonner. Comprends pas à moi. Ouh, no, t'es ma mon style. À tout moment, peut finir dans les infos. Demande à Moscou, raconte vise dans le mille. Extendo, think it there is. Cooking up, cooking up, cooking up. Il faut du blé, donc on coupe la dos. Pour vos soirées, j'ai de la weed. Charbonné, charbonné, charbonné, charbonné. T'as fun sur that beef. Charbonné, Jono, charbonné. 14ème, charbonné. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. La bopée, la bopée. C'est John Doe, la famille. John Doe, mon vieux. Bientôt sur Talent Fâché 5. C'est l'album de limité dans les bras. J'arrive pour vous. Vous êtes même pas prêts. Vous êtes Zangu. Big up, CD 187. La nocturne. C'est la Comoro Sim. Pas là pour leur plaire. La Courneuve. Ça dit quoi, la bopée? Vous êtes là ou pas? Ouais, ouais. Yé, Junai. Ramon DLC. 1. Dealer Mouna 9-3 R.A.S. Rise and Shine. Ok. D.D.D.L.C. Dealer. On a défoncé des portes. Posé nos tripes sur la bleuta. Le meilleur de nous-mêmes, un truc costaud. Imposer notre attitude sans jouer les rostas. Mais tout sur une seule patate pour qu'ils finissent à l'hosto. La même mentale. Depuis 2005 SKW, même étendard. Pour ça qu'on change pas, entouré des mêmes gars. Même méthode, même adresse, 119 comme d'hab. Ils nous ont sous-estimés, ça depuis le début. Ils vont jamais rien sortir. De vos yeux j'ai lu, pour tous ces petits bâtards, le majeur en l'air. Ultimate attend au tournant pour tous se les faire. C'est même pas le début qu'on parle déjà de fin. Frère, tu perds ton temps, je suis encore au fin. Fond, j'ai un graillé qu'on veut taxer mon pain. Mais je lâcherai rien jusqu'au dernier coup de pain. Saut. So, on a toujours fait les choses comme bon nous semblait, même si cela prend du temps. On sent pas les couilles de leurs lois, de leurs conseils, et je me dis sans prendre de gants. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. On a toujours fait les choses comme bon nous semblait, même si cela prend du temps. On sent pas les coups de leur loi, de leur conseil, je le dis sans prendre de gants. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. Jamais. On n'est pas là pour leur plaire. Yeah. La Courneuve, gros. Comment on estime? Ne s'appelle pas l'Arlène, on relève de personne. Pénalty dans ta face quand tu tombes au sol. Le monde est stone anarchique comme les Suns. Pour mes books, Zer, Bob et Zor de l'Essonne. On cherche la réussite avec une clé de sol. Moi, Nadam et GGR additionnent la somme. C'est à la fin du bal qu'on paye les MC. F-A-K-I-H, on sale les Bexy. J'suis là depuis l'époque des grosses compiles. Mon son tourne de Dakar à mon rôle, sans s'enfile. Le rap français, un putain film de Fred Copula. Ultimate Music transversal, coup du foulard. Pas là pour plaire, mais dis-moi qu'est-ce qu'on fout là. Ils se prennent tous pour les bestes, ma star fou là. Alors tu crois qu'on joue, on a plutôt un AS. Les balles tombent du ciel, prêts pour sortir de la S. Yeah, un sauce dealer. On a toujours fait les choses comme bon nous semblait, même si cela prend du temps. Yeah, on sent pas les coups de leur loi, de leur conseil. Et je le dis sans prendre de gants. Yeah, on n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. Yeah. Extinction des feux, c'est le commandant qui revient. Négro, on fait des hits, City Gang retient le bien. Voyez bâcher la pièce, car je m'apprête à faire du sale. Les faussaires sous le choc, à la vue de l'original. Cherche pas la merde, tu vas la trouver. On fait ce qu'on a à faire, on est redouté, outé. Dans ce rap game, ils veulent s'accoupler. Rafale de punch à chaque couplet. Toujours la haine a changé. Toujours les mêmes qui aiment jacter. Critique après critique, c'est pas mon moral qui vont saper. Je suis dans mon coin, je fais mes affaires. Viens nous cirer les pompes si t'as du temps à perdre. Je le répète mon frère, on n'est pas là pour leur plaire. On a toujours fait les choses comme bon nous semble. Même si ça prend du temps, on s'en bat les coups de leur loi, de leur conseil. Je le dis sans prendre de gants. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. On a toujours fait les choses comme bon nous semblait, même si cela prend du temps. Rise and shine, on s'en bat les couilles de leur loi, de leur conseil. Et je le dis sans prendre de gants. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. On n'est pas là pour leur plaire. La bombe, la bombe. Comment on estime la bombe, la bombe. La nocturne. Marseille, Marseille, Mana Machiavelli, 13, Marseille, Marseille, Mana, big up, tous les quartiers nord, quartier sud, Mana, Marseille, Wesh Saïma, Game Watch, l'album est dans les bacs, l'art des mots, ça roule. Tu sais faire ça, toi? M.A. Machiavelli, nigga. Ouais, ouais. J'ai raison, mais quand j'ai tort, j'ai pas le temps de faire le thug. J'ai ri toute la nuit pendant que toi tu dors. Pas le temps pour un fit, négro, pourquoi tu t'es? Pas du genre à poser les genoux au sol. Mana. Le savoir est une arme, alors il faut s'armer. Une femme, c'est ce qui fait de nous des hommes. C'est bien quand ça commence, mais un jour tout s'arrête. Je suis dans mon délire, je fais ma musique pendant que les gens me comparent. Détester dans ce monde, ils se mettent à le regretter quand on part. J'ai connu des victoires, des défaites, mais j'ai pas mené les mêmes combats. Ça sert à rien de faire le voyou, mon gros, faut assumer quand on parle. Et c'est toujours pareil, un frère rentré des gains te renvoie l'appareil. Je t'aimais jusqu'à la mort, mais tu nous as séparés. Mais face à la mort, y'a personne qui nous a préparés. J'ai connu la street, l'envers du décor. J'ai connu des frères partis d'une balle dans le corps. Je ne pose qu'une question, mais quand est-ce qu'on s'en sort? Ooh. No, no way, no, no way, no, no way. No, no way, no, no way. Allez chercher l'album No Limit, la famille. Planète. No Limit dans les bacs. Machiavelli. Marseille. Le clip arrive. Wouh. Marseille. Ju à la prod. Cyrano le Black. Black C. Dis de bien. Point de Black C. Coupe Jarrette. Coupe Jarrette. Nasser. Crac Tony. On est ensemble, la famille. Hey. Mon checker. Oh là là. Fume-moi ma gueule comme ça tu pourras ne viens. On a tous craqué. Homicide au quartier. Qu'est-ce que t'as à faire si tu gères des milliers d'essais. Tout le monde est saucé. Excusez mes sauces. La jalousie m'a charclé. Et me laisse décharger la haine qui s'échappe dans le champ du sol. Les teutrés. Fort ton respect. Ne sers pas la main. Tu pédais. Regarde comment ma street. Électrique, électrique, électrique. Tempérament diabolique. Les petits bras qui font du fric. C'est la mentale des briques. 7-5 7 sans coup en 5. Ok. Technique, les flics se mangent des middle kicks dans la bouche. C'est critique pour finir le taf. Coup de barre, te faire au pied. Sinon, t'abîmes le sage, puis on se tape. Tu on fait de la psy. Quoi, allez, allez, tu vas te faire affaler. Si la tu vas te faire éclater dans ton bar. Que tu parles, DJ, tu crèves. Tu vas payer plein. Tenu, Sahani. Ok, on ensemble. C'est à nous le boss, t'es boss. Gros, t'es mal bras cassé. Tu veux parler de mon casier. Toi, la mec, arme. Séquestration dans ta zone. J'ai pas ta vie, j'suis calé. À faire du boulot salé. Rap game, ça fait des années que j'l'ai. Oh, blog. Que mes sous sont enfermés. Bon, le carré. J'ai saigné la calèche. Que j'ai signé ma liberté. J'suis prêt à tout encaisser. Même les potes qui sont baisés. Les rappeurs qui boycottent, j'vais les baiser tout. Fais du crack. Mon écart, plus la saloperie du placard. Destin de sonar enfermé dans la spirale. Du bitume, fume d'espoir, passe-moi les standards. Darda, mélange de youf, j'arrive, prépare ton pare-balles. On s'en bat les couilles, on se parle pas. Regarde-moi dans les yeux. Quand tu me sers la main, ça me parle pas. Pour ta politesse, pour ta tête, détresse. On est ensemble, pute, crache sur la tête. Détresse, j'ouvre mon gros fief. On s'en fout, faire que de la chnouf. Tu crois que c'est qu'il est ouf, 19. Corbrez ou, on est ensemble. Comme si on était en Sicile. Les frères sont en sueur, si ce pute à la bibi. J'suis comme Tony, Cyrano. J'suis mon opinion, j'te charge. On bat du bloc, un 8ème. Wesh, brrrr. Parisienne, ouf, c'est le 19ème. Ok, pas égo du terre-terre. Va-moi ça. Place des fêtes, Nasser. On est ensemble. T'es mal bras cassé. Tu peux parler de mon casier. Voilà, avec arme. Séquestration dans ta zone. J'ai pas ta vie, j'suis calé. À faire du boulot salé. Rap game, ça fait des années que j'ai enseigné. 19ème. Combre Zou. On est ensemble. Ma liberté, j'suis prêt à tout encaisser. Même les potes, Cyrano, le black. Les rappeurs, black. J'vais les baiser tout ça par le black. Pis c'est la merde. Ici on tease. Quoi, t'as qui rire à bon. T'as les millions d'euros cash. Yeah. Cache le coco, car l'État nous met des baffes. On change de bigot, car les balances font leur taf. Écoute les gravants qui bigrafent en kilogramme. On paye les types qui grappent toutes les pétales. On ensemble. Les tarons qu'on sème assez du mat. J'appuie sur la table, c'est la misère qui nous cadre. Je veux parler de mon casier. Voilà avec arme. Séquestration dans ta somme. J'suis pas ta fiche, j'suis calé. À faire du boulot sale. Rap game, ça fait des années que je l'ai enseigné. Purée, tu sois enfermé. Dardard trop carré. J'ai saigné la calèche, que j'ai signé ma liberté. J'suis prêt à tout encaisser. Même les potes qui m'ont baisé. Les rappeurs qui boycottent, j'vais les baiser tous un par un. Et les rappeurs qui boycottent, on les baiser tous un par un. Et la pop, on ensemble. Les rappeurs qui boycottent, 69, tous les baiser un par un. Un par un. S'en bat les couilles, IK, TLF, nos limites, on ensemble. Les rappeurs qui boycottent, on les baiser un par un. Un 9, on ensemble. Nos limites dans les bacs. Un 9, 2, 9, 3, 9, 4, 5. Acer, salut, mon ensemble. Tiens, nous le dis, Tony, gardez la pêche, que c'est ici. 19ème, big up Kima, 19ème. 4 fiches de placard, poto. 4 fiches de placard, ensemble. Wesh, Boumara, Wesh, Toto. Tous les quartiers, place des fêtes, tous les quartiers, on ensemble. La Courneuve, on est là, poto. La Courneuve, 4, 18ème, Lambert Guimier. 9-3, 1-8-7, Vitry sur scène, Créteil. 9-3, la Courneuve, on ensemble. Ouais, le Black, Marseille, Doumzé. Tous les quartiers. Havana, 14, on n'a pas mis nos limites. On est les frères. Ouais, Juju. On est ensemble. 2013, 2014, 2015, 2016. Autopsie, 19 mini. C'est Bobo mon nègre, les mecs d'Italie qui sont placards. Bobo mon nègre, 1-8-7. Paradise. On pense à vous. Bobé la Bobé. C'est Cyrano le Black. C'est la mafia parisienne, on est ensemble. Oh, ouais. On va nous baiser la mafia parisienne. Komoko. Ouais, pour ceux qui sont au placard. 100% rap français. La nocturne. Spécial pour mon 5. Fadio. Écoutez ça, c'est du lourd. Yeah, 92, négro. On a dans le game, on vient tout casser. Tout casser. Vas-y, check-moi la main, c'est le nouveau concept. Check-moi, check-moi. Dernier pas dans ce qui passe même au concert. On se prend même pas la tête, gros, à quoi ça sert? 95, on vient représenter. Représenter. On arrivera tout seul, fuck les maisons d'aide. Fini les rigolades, on va plus plaisanter. Plus plaisanter. J'kick ça, t'as les maisons hantées. Ambiance dans son monstre, c'est gratuit mon négro. Gratuit mon négro. J'arrive dans le game, je suis agent, j'ai l'écran. J'ai gueulé à la concurrence et je regarde pas dans le rétro. Non, non, non, jamais. J'suis le Porsche Panamera, mon négro t'es le métro. Mes gars, bouge la tête, pourtant c'est le principal. Un sou de bargeon, j'ai l'oreille musicale. Putain de son, on s'ambiance fort. Mais l'âme c'est comment? C'est rap sale, moi négro c'est trop gore. J'en ai rien à foutre, moi d'être validé. Juste m'ambiancer, envoyer de la qualité. Putain mon négro c'est trop tard. On te laisse derrière, négro c'est trop tard. On arrive dans le game, on vient tout casser. Tout casser. Comment? Check-moi la main, c'est le nouveau concert. Nouveau concert. Dernier pas de danse qui passe même en concert. On se prend même pas la tête, à quoi ça sert? 95, on fait un présenté. On arrivera tout seul, fuck les maisons d'air. Fini les rigolades, on va plus plaisanter. Jamais. J'kick ça ta maison hantée. La partie de début, tu as dit on fait début, pourtant je mets que début. Vas-y, augmente le volume, ratatata, tes problèmes sont résolus. Chaque son, on évolue, on s'en bat les couilles, ta vie que tu sois connu. Ne prends pas la teuté, je ne vise pas les gens, mais la teuté. Si ta voix est une arme, j'ai un lance roquette. Ils savent pas ce que je mijote, les gros ils savent pas ce que je guette. Je baisse le rap français, y'a trop de natalité. Je laisse de défoncer, y'a trop de fatalité. Je suis trop speed, comme le RORE. Prends pas la confiance, t'es pas moi FRORE. Le gâteau est grand, un manteau de qui est gros. Quand y'a les bleus, ça court plus vite que Pedro. On a dans le game, on vient tout casser. Tout casser. Vas-y, check moi la main, c'est le nouveau concert. Le nouveau concert. Dans les bâtons, qui passe même au concert. On se prend même pas la tête, à quoi ça sert? 95, on fait représenter. Ça fait du président, on fait un HMI. Elian, Ralam, 95, Marco, Yaya. Jamais, j'kick ça, t'as les maisons hantées. Gros big up, la popée. 9-5, maison plateau. Va chercher nos limites, on est même pas prêts. On va chercher, on va chercher. FHMI, Elan, Célian, tout le monde est gros. La famille. Merci, merci à vous tous en tout cas pour cette première session de Nocturne. Merci à vous tous. C'était pas mal, hein? C'était bien, non? Ouais, j'ai vu. Donc on rappelle dans les bacs, il y a nos limites. Et puis arrive prochainement Talon Fâché. Talon Fâché 5, l'album avec est dans tous les ceux bacs, qui sont là ce soir. Enfin, une partie de ceux qui sont là ce soir. Une partie, ouais, il y a plus de 40 MC. Ouais, donc voilà. Il y a encore du monde qui viendra. Il va y avoir du monde, c'est sûrement un double. Donc voilà, c'est parti. Talon Fâché, l'album nos limites est dans les bacs. TLF. Merci à toi, merci à vous toi, Fred. Fidèle au poste. Fidèle au poste, ma famille, merci à toi. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao, bonne nuit. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Crédible surtout quand t'es pas là. J'parle et j'assume. J'recule jamais après mes potes de voiture. Nouvelle année que des fils de putain qui prend leur intérêt. Je dis cette méga sûr. Des barres de rire, allez casse-toi de là pour le jour de paye. J'entends pas les fans de moi. Rien que ça parle, mais ça brasse que dalle. Tu m'as pas compté tes couilles quand j'étais face à toi. Bande de merde, et moi j'ai des boules, forcément c'est la merde. Tu sais déjà que mon équipe est spécialisée dans la vente de gueudro et pour niquer des merdes. Oh, chambre, tu butes pour moi, tu me dis voilà, je te bute. Un pote qui parle derrière ton dos, voilà, c'est un fils de pute. Négro partout, c'est la même merde. Notre rap et tout, c'est pas les mêmes peines. pas sous le poste. Qui pue sur le rincé, qui se prennent des coups de poche. Fidèle au boss, trop stealer. On veut péter les 10 bars à la marque dealer. Père de Dida, veste Philippe. Crée les purple qu'on fait sous l'île. J'irai pas faire confiance à la nourrice. On tombe à zéro après la perquise. MH, Grailé. La conque n'attend que de projet. J'entends les échos. Oui, j'entends les échos. J'ai des mecs qui m'envient. J'ai des couteaux dans le dos. J'entends les échos. J'ai des mecs qui m'envient. J'ai des couteaux dans le dos. Nocturne. C'est la Nocturne, c'est 100% rap français. Il est de retour, on le pensait, dans la littérature, dans le cinéma. Eh bien non, il revient dans le rap game. Ça te va comme introduction? Ouais, terrible, terrible, terrible. Monsieur Jean Gabin est là avec nous, comment va? Ça va ma gueule, ça va franchement, voilà. Illuminé. Illuminé, comme toujours, voilà. Je suis dans un monde, dans le mien, voilà. Je vous le balance de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à revenir, je le disais, dans ce rap game? Le côté, non, il faut quand même dire, côté trap aussi, tu y as été. Bah, c'est pas de la trap, parce que pour moi, la trap, faut parler de drogue, et il faut parler exclusivement de drogue, de pute et de chatte, voilà. Et la dream music, faut juste canner tout le monde, etc., etc. Ouais, toi, c'est plutôt côté drill. Ça va dans drill. Voilà, je tape dans tout le monde, quoi, c'est préférable. Voilà. Non, c'est parce que j'aime bien, genre, j'aime bien cette zik, tu vois, franchement, ça. C'est, j'écoutais déjà du Two Life Crew avant, tu sais, qui était déjà à la sauce de. Parce que c'est vrai que là, on dit trap, drill et tout, mais Two Life Crew qui date quand même des années 90. Hein. Ouais, 80. Même 80, les années 80, c'était même années déjà 80. Dedans, voilà, c'est Miami Sound Bass, tout ça, c'était vraiment. J'écoutais déjà ça, donc pour moi, c'était pas une surprise que ça revienne, puisque de toute façon, la zik, ça fait que tourner en rond. Donc voilà. Et il y a le mec qui fait justement la zik qui est là, Johan. Et qu'on peut saluer. Ouais, yep. Salut. Voilà. Ça va bien? Ouais, ça va. Tranquille. Ça va poser avec Gabin, comment on s'en sort après? Tranquille, c'est trop calme. Ouais, je vois. Ouais. Mais ça va, tu me parais être un garçon tout calme, tout tranquille, donc. Ouais. Lui, c'est une rencontre, c'est ça pour les sons, ou vous connaissiez? Non, je le connaissais pas, je le connais par l'intermédiaire d'un autre poteau qui s'appelle Item là-bas, qui s'est caché je sais pas où et on s'en bande. Voilà. Et voilà, on a fait une petite écoute pour voir de quoi il était capable. Et franchement, voilà, il déboîte. Bon, est-ce que t'as toujours autant de plaisir? Ah ouais, justement, j'ai eu du plaisir à faire cette connerie, tu vois. Bon, mis à part les entrechats qui est à côté, mais c'est logique, hein, parce que bon, il y a un moment, t'as l'impression que c'est encore la zik de il y a encore 15 piges, alors que c'est pas vrai du tout, hein, tout a changé, hein, je suis à côté de la plaque de temps en temps. Maintenant, je me remets à la page, hein, comment dire. Je suis sur Facebook, Instagram, n'oubliez pas, Jean Gabin. C'est vrai, ouais, c'est vrai, on peut aller suivre. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mais ça, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh, gars, il faut être suivi. Qu'est-ce qui s'est passé, Gabin? Bah, on m'a dit un truc, soit tu montes dans le train, et puis là, maintenant, on est à l'ère des fusées, donc je n'ai pas envie de prendre le train. Tu mets des photos de ce que t'as bouffé, des trucs comme ça, non? Non, je monte mon chip de temps en temps, fait, tu vois. Ça va faire plaisir aux, voilà, aux jeunes filles qui nous écoutent, voilà. Ou moins jeunes d'ailleurs. Hein. Ou peut-être au raclot, hein, ça a changé de nos jours, hein, tu vois. Tout est possible. Donc allez, on suit où, Gabin, on tape GAB, hein? Ouais, tu tapes MC Jean Gabin, voilà, et MC Jean Gabin, et il y a la pastille, tu vois, la petite pastille bleue officielle, voilà, parce qu'il y a 150 000 que mec, d'après eux, c'est moi, il y en a qui s'écrivent mon nom de famille avec deux S, donc j'ai dit ouais, pas mal, donc voilà, c'est pas ça du tout. Bon, si on se plongeait tout de suite dans ce projet qui est sorti, donc aujourd'hui uniquement en digital, hein, parce que comme t'as pris le train du digital, là tu n'arrêtes plus, voilà. Là c'est que uniquement du digital. Digital, voilà, je voulais un peu voir à quelle sauce je serais becté ou à quelle sauce je puisse les becter, voilà. Eh bien écoutons, réagissez aussi avec le hashtag La Nocturne, c'est MC Jean Gabin au contrôle de La Nocturne, et le projet est donc digitalement dans les bacs depuis aujourd'hui. Tout à fait ma gueule. Illuminé, Gabin, et le morceau s'appelle Renoir. Je fais tourner mes affaires Renoir. Si tu crois me la faire Renoir, je te la ferai à l'envers Renoir. Pas de témoin dans tout ça Renoir. Je te la ferai à l'envers, Renoir. Prête-moi dans tout ça, Renoir. elle t'est mise à prix. Pas aussi cher que quelle fille. Deux paires de baskets et un sushi. C'est pour ça que je garde mon scratchy. À portée de main, sérieux l'ami. Même si je bande sous-marin, je pisse le THC sort de mes urines. Je m'élève comme Moïse. L'euro est ma terre promise. Mon signe astrologique, vermine. C'est ce que disait la pute à la clinique. D'où Jésus, je jure sur Lucifer. Je suis prêt à aller niquer ta mère. Et ta grand-mère, reviens et tu verras l'enfer. Je vais tourner mes affaires au noir. Si tu crois mes affaires au noir, je te la ferai à l'envers au noir. Pas de témoin dans tout ça, au noir. Mes affaires Renoir. Renoir, la mixtape illuminée. Je fais pas dans le tricot mais la tarte au pruneau. Le Kosovo c'est chaud. J'ai pas mal de poteaux, qu'est-ce que tu dis de ça prend l'eau. La hyène et le lion ne se fait pas de cadeaux. Couler l'arche de Noé, Golden quadrille. Je vais te disperser comme au 14 juillet. C'est pas le retour de l'ancien. Je viens juste prendre ta place pour rien. Tu peux crever comme un chien. Je m'en bats les burnes, c'est bien. Et je m'en lave les mains. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Sors le son comme ça, bon, je m'en bats les reins. Je vais tourner mes affaires au noir. Si tu crois mes affaires au noir, je te la ferai à l'envers au noir. Pas de témoin dans tout ça, au noir. Ta-ta-tan. Au noir, au noir. Young Banks, Young Banks. Je vais tourner mes affaires au noir. Si tu crois mes affaires au noir, je te la ferai à l'envers au noir. Pas de témoin dans tout ça, au noir. Je vais tourner mes affaires au noir. Si tu crois mes affaires au noir, je te la ferai à l'envers au noir. MC Jean Gabin, mec à l'ancienne. Planète rap, 100% rap français. Himalaya, Himalaya, Himalaya, Himalaya. Ouais ma gueule, le morceau Himalaya, deuxième extrait de la mixtape illuminée. Crois que je déconne, je ne suis pas une pomme. Tu n'es qu'une pauvre conne, donne-moi ta putain de ronde. Ici plus rien ne toujours à la baguette, je t'éclate du Young Bang. Crois que je déconne, bien sûr que je déconne. Toujours en guerre, va en paix, va en paix, va en paix. Hey, hey. Gambert, meuf, flou, dans la tronche. Mon RSA, couche. Revolver semi-automatique. Casse-moi les burnes, je te vide un chargeur, c'est symptomatique. Chronologique, ramène ta clique, je disperse sans acédique. Je remets personne, mais tu peux ramener ta fraise. Garantie sur facture, raclo, vive la bavure. AKA Joe Sommer, aligné contre le mur. Touriste de Panama à la Turquie, mon chip sur vos tranches. Ah, Kelly, Kelly, ah, Kelly, Kelly. Comme une animal hotel, comme une animal motel, comme une animal motel. Quand je nique, tu débats, brûlique sous le matelas. Regarde le quebla, une barre de chocolat. Je te repasse sur le toit de l'Himalaya. Comme une animal motel, comme une animal motel. Je ne suis pas une pomme. Tu n'es que le pauvre con. Donne-moi ta putain de ronde. Ici plus rien ne m'étonne. Je t'éclate et tu ronnes. Crois que je déconne. Putain, on peut pas fumer. Bien sûr que je déconne. Je ne suis pas une pomme. Tu n'es que le pauvre con. Donne-moi ta putain de ronde. Ici plus rien ne m'étonne. Je t'éclate et tu ronnes. Crois que je déconne. Bien sûr que je déconne. J'ai enquillé l'école avec un C pour finir avec un 9 milli. Fais dans la bolognaise sans spaghetti. Ma chérie est plus rapide que Chumi. Le temps a plongé dans la farine. Oh mon dieu putain ça fait une rime. Grimpé au mur à cause de ma pine. La gare s'est chargée comme une alcaline. Peut-être qu'elle lève le pied avant qu'on se farcisse une OD. Que jongle avec le CRB. C'est réglé comme un barillet. J'ai J'ai donc quel jacques avec tes potes et Biggie. Tu es verni petite, je suis circoncis. On passe un bon après-midi. Dès que tu vas déguerpir. Quand je n'ai que tu débats, brelique sous le matelas. Ouais, ma gueule. Regarde le quebla. Ça s'active. Une barre de chocolat. Je te repasse sur le toit de mixtape illuminé. MC Jean Gabin. Himalaya. Je ne suis pas une pomme. Tu n'es que le pauvre con. Donne-moi ta putain d'aronne. Ici plus rien ne m'étonne. Je t'éclate et tu ronnes. Moi que je déconne. Earthquake record. Je ne suis pas une pomme. Tu n'es que le pauvre con. Donne-moi ta putain d'aronne. Ici plus rien ne m'étonne. Je t'éclate et tu ronnes. Moi que je déconne. Bien sûr que je déconne. Comme des mal moteurs, je sais pas où je vais. Comme des mal moteurs, je sais pas où je vais. Yep. Yep. Young Bangs on the track. MC Jean Gabin, ma gueule. Malaya, Malaya, Malaya, Himalaya. Je te rétame jusque dans l'Himalaya. Malaya, Malaya, Malaya, Malaya. C'est MC Jean Gabin au contrôle de la nocturne avec ce morceau qui s'appelle Himalaya, extrait d'Illuminé qu'on peut aller chercher tout de suite. C'est ça qu'il y a de bien avec le digital. T'imagines, on peut cliquer à voir tout de suite le projet. Ouais, c'est la meilleure des choses au monde, non d'une pipe en bois. Et là, en plus, il est dispo que sur qu'en digital, donc n'hésitez pas à cliquer. On en parle un petit peu à l'instant. Toi, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à retourner en studio, Gabin? Ben, c'est surtout je m'ennuyais à fond. J'étais en train de glander, je savais plus quoi trop foutre. T'as écrit quand même un bouquin qui est sorti il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Ouais, mais c'est pas ça. Moi, je me dis à chaque fois que je fais quelque chose, faut que je tourne la page. Et donc, faut que je me creuse le chiro et essayer de trouver d'autres trucs. Et je me suis dit, bon, je vais revenir un peu dans la zig. Bon, je me suis mis à gratouiller vite fait, mais bon, c'est... Parce que t'écoutais un peu ce qui se passait aussi? Non, j'écoute pas ce qui se passe, c'est t'écoutes ça le truc. Rien? Moi, j'écoute personne. Du requin, j'écoute pas de Fransouillard, etc., etc. Un petit peu. Non, c'est... Dans l'oreille, quand même. Bah, il suffit que tu rentres dans le chariot de n'importe quel individu, et puis tu te retrouves à écouter Skyrock, ou le Move, ou oh, etc., merde. Etc. Ah, le drame. Ouais, patatras. Et patatras, quoi. Merde. Voilà, quoi. Donc, tu sais à peu près qu'il y a, ce que les gus ils crachouillent ou pas, mais c'est pas mon problème. Moi j'aime bien. Bon, il y a des choses qui te font plaisir quand même dans le rap français là, non? Ouais, comme d'hab. De ce que t'entends dans les magasins. Ouais, c'est surtout dans les magasins. Mmh. Ouais, mais c'est, vu que je vais toujours dans les mêmes magasins, j'entends toujours la même chose, donc c'est chiant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'entendais IAM, je crois que c'était l'Empire du Soleil, un truc dans le genre. Non, mais l'Empire du Côté Obscur, mais c'était en 97. Ça. Ah, ok, bah je crois que j'ai arrêté d'aller dans les magasins alors. Voilà. Depuis 97, le mec va plus dans les magasins. Non, mais bon, bah après, on m'a parlé de ce qui se passe un peu à gauche, à droite. Bon, Tiens, par exemple, est-ce que t'as pas entendu le petit gars qui s'appelle MHD? Moi j'ai le même. Du moins, j'ai 2-3 potes qui ont le même, tu vois ce que je veux dire, qui s'appelle Yaya et qui fait de l'afro-trap. Et d'ailleurs, il va venir faire un petit truc par là dans 2 secondes. Dans un instant. Il dit, Yaya, ramène ton crapouille, 2 secondes là, fais pas le mytho, vas-y. Tu sais, il y a des belettes, tout ça, il y a compagnie, là, même si on voit pas ta gueule. Voilà, bah Yaya, vas-y. Ça y est, Yaya. Ah ben, file-lui le casque, il entend un peu, comme ça je peux lui parler, il peut nous entendre. Ça y est, Yaya. Petite présentation, qui tu es? Qui es-tu? C'est Yaya de Yaya. D'accord. Ouais. Donc toi tu fais aussi de l'afro-trap? Ouais, afro-trap et tous les gens. Tu viens d'où, Paris aussi? Paris 19ème. Paris 19ème, t'as rencontré et croisé Gabin comment? Dans le 19ème. Ah voilà, 19ème. Et là, toi, on peut te retrouver où alors pour te suivre, pour connaître ton actu? Parce qu'on va passer un morceau tout à l'heure qui s'appelle Get My Père, c'est ça, hein? Ouais, Get My Père. Get My Père, mais donc pour te suivre, on peut te retrouver où? Sur tous les réseaux sociaux, Yadeya19. Donc Yadeya19. YouTube, etc., etc. Merci, bah tu restes dans le coin de toute façon. Ouais. On repasse le casque à Gabin, que je continue à converser avec le garçon qui est à tes côtés. Il est occupé, il est en pleine création, Gabin, il est en train d'écrire. Voilà, j'écris là. Dans la caisse, donc voilà, donc tu parlais donc de l'afro-trap et avec Yaya de Yaya qui est là aussi avec nous. On écoutera son morceau peut-être dans un instant, non? Ouais, sans problème surtout. Là, on va rester un peu sur ton projet qui s'appelle Illuminé, qui est dans les bacs aujourd'hui, enfin qui est dans les bacs digitaux. Digitaux, ouais, tout à fait. Depuis aujourd'hui, POP? Ouais, c'est quoi POP? Bah c'est ou pop, non, c'est quoi? C'est le nom de ton morceau. C'est un de tes morceaux. Hein. Ah ouais. Plateau au plama. C'est celui-ci, non? Je me plante pas. Plomo au plata. Voilà, plomo au plata. Autrement dit, POP. Voilà. Tu confirmes que c'est un de tes titres? Voilà. Ça commence comme ça même. Tout à fait, tout à fait. MC Jean Gabin, il est là dans la nocturne. Eh hombre. Young Banks on the track. Plateau plomo. Plateau plomo. Jean Gabin. Plateau plomo. Mixtape illuminé. Tatatang. Sicario. Señorita. Cartel. Tequila. Cartel Sonora Mendes. Plateau plomo. Sonora Mendes. Plateau plomo. Sonora Mendes. Plateau plomo. Sonora Mendes. Du plomb, l'argent, tu racoutes le temps. Sicario, Sicario. Señorita. Cartel. Tequila. Cartel Sonora Mendes. Pas de carte de visite. Un trou dans la tronche, ça limite. Te promets, c'est pas Michael et Billy. Sicario, Sicario. Tu joues au con. Tu finis dans les premières pages du Figaro. Ils te dessoutent pour des dineros. Demain dans ton nom dans la page anachronique. On a mis que deux fois et si c'est pas les trois dans les une vie. Et tu verras si t'en as huit comme un chat. Si t'en as huit comme un chat. Si t'en as huit comme un chat. Plata au plomo. Plata au plomo. Plata au plomo. Du plomb l'argent, tu racoutes tes dents. Sicario, Sicario, Señorita, Cartel, Tequila, Cartel Sonora Mendes. Plata au plomo. Sonora Mendes. Plata au plomo. Sonora Mendes. Plata au plomo. Sonora Mendes. Du plomb, l'argent, tu racoutes dedans. Sicario, Sicario, Señorita, Cartel, Tequila, Cartel Sonora Mendes. Envoie la mescaline, joue au confinement. Couillu comme Pancho Villa, Paro, Cucaracha. Maman, voilà, Pincha va reconnaître. C'est pas grave, je les connais. Te coupe les coronets, les mettre au-dessus de ta tête. Satan te fait des tresses, Satan te fait des tresses. Sale temps pour faire la fête, sale temps pour faire la fête. Viens de los muertos, et gringo, récolte une bastos. Hey, hey gringo, récolte une bastos. Hey. Et gringo, récolte une bastos. Plata au plomo. Plata au plomo. Plata au plomo. Du plomb, l'argent, tu racoutes tes dents. Sicario, Sicario, Señorita. Cartel, Tequila. Cartel Sonora Mendes. Plata au plomo. Sonora Mendes. Plata au plomo. Sonora Mendes. Plata au plomo. Sonora Mendes. Du plomb, l'argent, tu racoutes tes dents. Sicario, Sicario, Señorita. Cartel, Tequila, Cartel Sonora Mendes. Cartel Sonora Mendes. Cartel Sonora Mendes. Rap français 100% explicite lyrics. La BIA deuxième leçon. Oh mais vous en voulez là? Ouais ouais ouais. C'est Pilango. C'est à deux. A pas radio Pilakoro. Yeah. Jour maman. Yes. Eh. La mala ça paye pas un jour tu te fais péter. Il bosse. Bah ouais ça bosse. Ça va du 19 poteau. Hein hey. Pour te quitter ma paire, tu vas te la prendre. On fait bouche à la mire qu'au gros cop. Ouais, prends le game comme un pasteur. Garde y'a dans le rap, je suis venu couper des ailes. Pourquoi tu quittes ma paire comme tu chicken? Puis la dalle m'a ramené les tika. Les jaloux, je vous invite à ma pute. Pas de haine, amigo, c'est amical. Je suis pas méchant, mais je suis dangereux. Et quand ils font, sors le grand jeu. Ça m'a tu me vois, pousse ta tête. Sauf le pourri, va les jeter, ouais. Ferme ta gueule, numéro 1 ma gueule. C'est le 19 ma gueule. Proto get ma paire. Proto get ma rue. Photo get ma paire, photo get ma repère, photo get ma paire, photo get ma repère, photo get ma repère, photo get ma repère, photo get ma repère, photo get ma repère, photo get ma repère, photo get ma repère, photo get ma repère, illuminé, get ma repère, le 15, photo get ma repère, get ma repère, photo get ma repère. Ça tu crois en couleur? Ouais. Ouais, madame, c'est quoi le boulot? Yes. Le yellow va couler. On fait du sale pour des billets. Yes. J'suis du sale dans tes oreilles. Wow. Get ma paire, marche pas dessus. On sait check si t'es pas con. Par les derrière, y'en a assez. Bataradé. Ta langue mènera en enfer. Pointe de pute, faut le PC. Putain. Comme Niro, faut me laisser. Comme à Marseille, j'dirais merci. Bref, voulais coller la petite. Coller. Elle m'a coupé la petite. Ah. Elle a niqué ma repère. Merde. Et puis j'ai niqué la petite. Papa. C'est gâté, c'est gâté. La concu sur le marché. Ouais. Il n'y a qui peut m'acheter. Ces fils de pute veulent me stopper. Je calcule pas, c'est des tartiers. C'est des vieux mecs du quartier. Wesh, quand même, depuis Plavo. À ce qu'il paraît, je fais le gravon. Photo get ma paire. Y'a deux, y'a photo. Allez sur YouTube. La page YouTube, c'est Yadeya, RTPF, musique. Photo get ma paire. Ça va arriver bientôt des news. Ça va péter, photo. Get sa paire. Get ma paire. Photo get ma repère. Get ma paire. Photo get ma repère. Get sa paire ou tu vas la prendre dans la gueule. Get ma paire, tu vas te la prendre. Get ma repère. Moi, m'en vivra. Chiala, le frérot, c'est dans le 19.2. Hey, le clip est disponible sur YouTube. Il est toujours disponible. Allez voir. Allez cliquer. Get ma paire. Y'a Deya, RTPF Music. Ça va arriver. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Tu nous le présentais d'ailleurs, MC Jean Gabin, qui est là avec nous, qui a pris le contrôle de la nocturne. Il s'appelle Y'a Deya. Voilà. Et le morceau Get ma paire. Get ma paire. Get ma paire plutôt. Mais quelle paire? Ah, il a une paire que tu prends dans la gueule. Ça suffit. Donc pour te suivre, Y'a Deya, rappelle un peu les adresses. Y'a Deya 19. La page YouTube, c'est Y'a Deya RTPF Musique. Et sur tous les réseaux sociaux, Y'a Deya 19. Y-A-2-Y-A 19. Et en préparation, donc un projet, par exemple, ce morceau, on peut le retrouver quelque part aussi, pareil, ouais, sur le net. Sur un projet. Ça va bientôt arriver. Ça arrive prochainement. C'est prochainement. MC Jean Gabin qui a pris le contrôle de la nocturne. Il est avec nous parce que lui aussi, son projet est dans les bacs depuis aujourd'hui, digitalement dans les bacs. Ouais, ma gueule. Ça s'appelle Illuminé. On se demande pourquoi. Bah, je suis dans mon monde, hein. Voilà, j'essaye de vous faire partager mon monde, vite fait, bien fait. Rapido, c'était surtout dans le. C'était dans mon air du moment, tu vois. C'était selon mon humeur. J'avais une moue, je me suis dit, bon, ok, je vais me mettre derrière un chromie, je vais trouver de la zik. Et puis je vais commencer à bafouiller un peu, hein, essayer de changer de style aussi, puisque bon, généralement je faisais que parler. Bon, là je me suis dit bon. Oui, là c'est fini les clashs, ne cherchez pas les trucs. Les non, mais déjà les clashs c'était déjà fini dès le premier. Oui, c'était fini dès le premier. Dès le premier. Bon, t'en avais fait un deuxième. Il y avait un petit je t'emmerde deux. Non, il y a pas eu un je t'emmerde deux. Non. Il y a eu un je t'emmerde deux. Non. Bon, il n'y a jamais eu un je t'emmerde 2, il y a eu un je t'emmerde stop, et il n'y a jamais eu un je t'emmerde 2, les restes, ils devaient s'appeler ce qu'ils voulaient, ok, mais c'était pas des je t'emmerde 2. Bon, alors c'était une petite. C'était un pic vite fait, voilà. Une petite virgule, voilà. Tiens, on prend un raccourci, on y va, ben voilà. Mais là, c'est fini. C'est surtout que je m'en branle, quoi, c'est. Voilà. T'as plus le temps. J'ai 50 berges, merde, fais chier. Déjà? Ouais, tu vas pas, là, un demi-siècle, presque comme Napoléon. Bon, je te souhaite pas la même fin. Hein. Oh non, ça va aller. Je suis passé déjà avant lui, donc ça je va. Je souhaite de profiter encore un petit peu. Voilà, quand même. Et est-ce qu'on peut dire aussi un petit mot, parce que c'est vrai que toi, tu es un des représentants, en tout cas une des figures marquantes de ce sport. Oui, ce sport qu'on appelle le street workout, ouais. Qui est donc de servir du mobilier urbain, notamment pour faire tout un tas de figures, se muscler aussi également. Tu continues Là, je me suis arrêté, ça fait 3 semaines, parce que j'ai 2-3 pépas. Oui, c'est vrai qu'il y a une... Ah, j'ai un pépas, en ce moment, j'ai une patte folle, donc voilà. Quoi. Donc la patte folle, c'est un peu compliqué, mais sinon, ça continue à vivre le street workout. Ouais, bien sûr, là, il commence à faire de plus en plus. Il y a une petite multitude de parcs qui commencent à se faire sur Paname et dans les alentours. Donc voilà, les gus ils peuvent s'entraîner, voilà. ça change rien quoi. Il y a absolument pas de problème, voilà. Je pense que là maintenant, tu vas pratiquement à chaque porte, il y a un petit endroit où tu peux réussir à faire des tractions, des pompes, etc., etc. Voilà. Et bah allez suivre un petit peu justement le street workout, il y en a un petit peu partout près de chez vous dans vos villes. Et puis on t'attend donc sur le retour de la compétition prochainement. On va se remettre en forme, on attend se requinquer un peu et après on remet une couche. Quand la patte sera moins folle. Voilà. On part sur un morceau qui s'appelle Fuck. Ouais, voilà. C'est bien ça, hein? Ouais, tout à c'est fait. C'est pas F-U-C-K, c'est. Non, c'est. Non, fuck. C'est juste comme ça. Je me suis dit, il fallait que je trouve un nom, alors je vais trouver. C'est sur la mixtape Illuminée. MC Jean Gabin, mixtape Jay illuminé. Ils veulent que je change, fuck. J'ai gonflé sans les prods. Ah, je suis arrivé, j'ai débarqué. Assiégé sans les potes. T'es dégoûté, même pas me taxer. Faut que tu remplisses tes poches. Ouais, ma gueule. Arrête de faire chier, va te faire taper. Tu vas finir dans un coffre. Woo! Ils veulent que je change, fuck. J'ai gonflé sans les prods. Ah, je suis arrivé. Assiégé sans les poils, t'es dégoûté. Big step taxer, illuminé. Faut que tu remplisses tes poches. Arrête de faire chier. En digital. Ouais, ma gueule. Comme une tringle à rideau. J'arrive par le haut. Mon rap ne mérite pas le martyre. Aiguisé comme un couteau. Protège ton dos. Titre comme un chou. Je ne suis pas l'agneau. Elle est mon poil, puis je la retourne. Prêt à mes sous au piercé. Comme dans un péplum. Prêt à mes sous au piercé. Comme dans un péplum. Je rétame toi et ta clique. Comme un coffee shop. Ramène le boulot à ta meuf et je la débouchonne. Ils veulent que je change, fuck. J'ai gonflé sans les poils. Ah, je suis arrivé, j'ai débarqué. Assiégé sans les poils. T'es dégoûté, même pas me taxer. Faut que tu remplisses tes poches. Arrête de faire chier, va te faire taper. Tu vas finir dans un coffre. Ils veulent que je change, fuck. J'ai gonflé sans les poils. Ah, je suis arrivé, j'ai débarqué. Assiégé sans les poils. T'es dégoûté, même pas me taxer. Faut que tu remplisses tes poches. Arrête de faire chier, va te faire taper. Tu vas finir dans un coffre. T'es aussi con que Nico et ça l'agace. Dans les bifetons, je suis complètement la masse. Je fais ma valise et je fais la malle. Quand tu me relis que je te recale. Si t'es chicken, ça donne sur la dalle. Pas de prière ad vitam aeternam. Je fais un parcours sur un cul. Les trous, c'est dans la rue. Pas grave si t'es cocu. Change ta police à son insu. T'es bien sur un cactus. Prie en l'angélus. Que le loto vienne te claquer le beignet. Croire au Père Noël sans la cheminée. Un cacheton dans le gobelet. Wouh! J'ai une grande gueule! J'ai une grande gueule! J'ai une grande gueule! J'ai une grande gueule! J'ai une grande gueule! Ils veulent que je change, fuck! J'ai gonflé sans les poils! Ah! Tu es step illuminé! Assiégé sans les poils! T'es dégoûté, même pas dans les bacs en digital! Arrête de faire chier, va te faire taper, tu vas finir dans un coffre. Ils veulent que je change, fuck. J'ai gonflé sans les poils. Ah, vous pouvez l'avoir arrivé, partout. J'ai débarqué, assiégé sans les poils. Etc. Dégoûté, j'aime pas me taxer, faut que tu remplisses tes poches. Arrête de faire chier, va te faire taper, tu vas finir dans un coffre. J'ai une grande gueule. Spotify, etc. etc. J'ai une grande gueule. J'ai une grande gueule. J'ai une grande gueule. Ouais, j'ai grand gueule. J'ai une grande gueule. Je suis posé là et je fume ma couche. Faire top la paire, mets tes couches. Inspiration, Apple Touch. Je mets un pointu côté gauche. Banana. Banana, banana. Banana coach. Banana, banana. Banana, banana. Banana coach. Banana. Banana, banana. Banana coach. Banana. Banana, banana. Je suis posé là et je fume ma coach. Faire top la paire, mets tes couches. Inspiration, appelle Young Banks. J'ai le doigté dans à la prod, ma gueule. Je vais foutre de coller un concombre dans le cul. Histoire de coller 150 millions de vues. Je suis la sinécure. Je suis le côté obscur. Sans la manicure. Je m'entends pas que ta daronne à la pacha. Le suis poilu que Chewbacca. Car je la défense. J'ai les mêmes sous les bras. 2016. Un connard a prédit le futur. Dans son anus, manque de souffle. Hémorroïdes boursouflées. Nouvelle saison. Et je respire. California cheese. Je pue. Mes poumons à Califourchon sur mon pingouin. J'en rajoute une couche. Tu poses là et je fume ma couche. Faire toc la paix, remets tes couches. Inspiration, appel touch. Je mets un pointu dans ta couche. Banana, banana, banana, banana. Couche. Banana, banana, banana, banana. Hey. Banana, couche. Banana, hey. Banana, banana. Hey. Banana, couche. Banana, hey. Banana, banana. Young Bang, tu poses là, je fume ma couche. Faire toc la paire, mets tes couches. Inspiration, Apple Touch. J'ai le doigté dans sa touche. Carotte ou banane, il n'en sortira pas Freeman. Demain, ils vont lui sectionner les deux mains. Se faire siphonner comme un stick. Tourner comme une salope sur un camion de bite. Oublie les condés et les flics. T'éclater comme une capote trop court. Une étoile, au concours. Me voilà ivre. Pourquoi j'acté, tu flippes comme un verre cassé à République. T'aimes le maïs, je te ferai sauter comme un popcorn. Comment faire de Jawan une popstar? Pas raciste, chaud comme un shit au micro-ondes. Je te résous le problème des chain games. Fourreur de migrants à la chaîne. Je suis posé là et je fume ma couche. Faire toc la paire, mets tes couches. Inspiration, Apple Touch. Je mets un point du côté gauche. Banana, banana, banana, banana. Banana, banana, banana, banana. Banana couche. Banana, banana. Banana couche. Banana, banana. Je suis posé là et je fume ma couche. Faire toc la paire, mets tes couches. Inspiration, Apple Touch. J'ai le doigté dans sa touche. Hey, banana couche. Hey. Hey. Jean Gabin, mixtape illuminé, Young Bangs à la prod. Coach, feuilles, tabac. C'est la nocturne CMC, Jean Gabin illuminé, c'est dans les bacs. Et le morceau s'appelait Banana à l'instant. Ouais, ma gueule. C'est dans les bacs, je disais, depuis aujourd'hui, illuminé avec MC Jean Gabin au contrôle. Donc ça veut dire mixtape, ça veut dire qu'il y a un album en préparation alors, Gabin? Ouais, il y a un album en préparation. Généralement, c'est ça, t'as mixtape, t'as album. Parfois, ouais. T'as street CD aussi qui arrive en cours de route. Ouais, je vais peut-être faire un street CD en cours de route. Un EP. Ouais, je vais refaire, une deuxième parce que ça me botte, tu vois, je veux dire, j'aime bien. Voilà, je commence à prendre mes marques comme il faut à l'intérieur, donc vas-y, hein. Tant qu'à faire et puis tant que t'es productif, hein, vas-y. Ouais, j'ai l'impression que ça te va bien ces sonorités que t'es en train. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'ai l'impression que ça te plaît bien. Ouais, ça me plaît bien, ça me botte. Bon, et sinon, sur les autres projets qui arrivent pour ce courant d'année 2016, un autre bouquin, je vais regarder si je refais un troisième bouquin. Faut prendre un peu de recul, un peu vite fait. Mais le précédent, c'était à l'Est. Le dernier, c'était à l'Est, c'est-à-dire le deuxième. Ouais, le premier, c'était sur la tombe de la mer. Le deuxième, c'était à l'Est, qui est sorti au mois d'août de l'année dernière. Voilà. Et ce qu'il y a de bien avec les livres, c'est qu'on peut toujours les trouver, donc n'hésitez pas. Ouais, surtout, allez-y, hein, galopez. Si vous ne pouvez pas galoper, allez sur Internet, hein, Amazon, compagnie. Hein, maintenant, j'ai compris comment on fait. Maintenant, ça y est. Même les trucs de cul, tu les as là-dessus. Hein, tu peux y aller. T'as tout de suite, il suffit juste de cliquer. Ouais, tu cliques, c'est gratos. De temps en temps, il y a un mec qui veut te prendre 100 balles, mais tu lui dis, vas-y, je ne sais pas lire. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, c'est tout. Pour le Cinoche, c'est un peu. C'est un peu verrouillé. La dernière chose qu'on m'a proposé, bon, c'était pas mal. Hein. Fallait que je sois un homo dans un film comique. Pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais il y a déjà Joey Star, donc j'ai pas besoin de se faire chier avec moi, moi. Tu vois ce que je veux dire. Ça y est, c'est. Voilà, non, j'y suis pour rien. Voilà. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai une grande langue, mais je préfère celle de Joey. Joey, il adore galocher des raclos, donc j'ai dit, bon. Mais il a fait un film, il a fait juste un film où il ça suffit, hein. Il suffit d'une fois. Hein. Pareil que quand on y a goûté. Hein. Ah ouais. Joey, grosse dédicace à toi, on te salue. Mais tu l'as pas maté dans La Nouvelle Star, là, Joey, ces derniers temps? Non, tu sais, j'évite de regarder. En plus, qu'est-ce que je vais regarder? Un Gus qui chante pas, qui écrit pas. Ah si, il écrit quand même. Et c'est pas lui qui écrit, c'est le petit merdeux qui a dans son dernier truc. Et dans l'autre, c'était le portugais. Mais non, de me prendre pour un con. On le sait tous. Voilà, t'écoutes le bordel, allez, c'est mort. Mais bon, non, je m'en tape, sérieusement. J'ai dit, le mec, il fait sa route, youpla boum, ok, ça va, hein. Tu vois, de toute façon, t'as jamais vraiment côtoyé le milieu du rap, hein, français. Non, non, voilà. Ça a pas changé depuis ici. Voilà. Non, non, non, ça a toujours pas changé, voilà, mais bon, c'est. Je suis dans un état positif, tu vois ce que je veux dire. Je vois ça. Voilà, donc. Je vois ça. Il faut. J'ai pris de la maturité, comme dirait l'autre. Voilà. Illuminé, on va finir avec un morceau, c'est Fric. Ouais, voilà. On balance ? Allons-y. Ouais. Illuminé, digitalement, dans les bacs. MC Jean Gabin. Chiner du fric en digital, ma gueule. Prends l'eau sous le cas, ça défrise. Dégaine pas pour dégommer les potos. Je sais, c'est la mouise. La mixtape illuminée. L'impression d'être à l'église. Et pas le pain, pas que chant de nichon. Chiner du fric. Mes moteurs pierres, c'est la crise. Prends l'eau sous le cas, ça défrise. Dégaine pas pour dégommer les potos. Je sais, c'est la mouise. Mais quand je pompe sur mon spiff, l'impression d'être à l'église. Et pas le pain, pas que chant de nichon. Pas sous croque, mais sous verdure. Ne fais pas sortir ma vraie nature. Fais tous moi une vraie biture. La job, voilà, ma route. Je regarde où je me pose. Je regarde où c'est la tose. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Pas de Renoir dans mon dos. Pas de calo. Pas de te traîne. C'est moi la vie, je ne fais pas de cadeau. J'suis dans la dope comme en 80. Comment faire des vieilles carnes un poulain. Me donne pas la pointe, se coupe la main. Chiner du fric. Même au terre-terre, c'est la crise. Prends l'eau sous ce cas, ça défrise. Dégaine pas pour dégommer les potos. Je sais, c'est la mouise. Mais quand je pompe sur mon spiff, l'impression d'être à l'église. Et pas le pain, pas que chant de nichon. Chiner du fric. Même au terre-terre, c'est la crise. Prends l'eau sous ce cas, ça défrise. Dégaine pas pour dégommer les potos. Je sais, c'est la mouise. Mais quand je pompe sur mon spiff, l'impression d'être à l'église. Et pas le pain, pas que chant de nichon. Scoopé en quatre pour joindre debout. La vie, c'est pas ramper debout. Sucer les chiffres et les bites, hein. Flous en liquide, flous en liquide. Paumer le regard dans les ténèbres. Ouais, tiens l'impression comme un Ken. Fini la vie de Barbie, t'es Ken. Tu t'agites comme un Tekken. Prends tes burnes et recèles. Ou arrête de jouer les pucelles. Masque de ski en plein été. La rosée va m'armer. Faut tenter à la voler. Chouet, j'connais les plans du diable. J'connais les plans du diable. J'connais les plans du diable. Balance, tu te mets à table. Carotte et piche, carotte. Wouh! Ouais, ma gueule! La vie, c'est pas comme Chiner ça. Chiner du fric! Passer du coq à l'âne, la pelure en rage. Mixtape, illuminé, Jean Gabin. Tatatan! Chiner du fric! Même au terre-terre, c'est la crise. Tatatan! Prends l'eau sous ce cas, ça défrise. Je dégaine pas pour dégommer les potos. Je sais, c'est la mouise. Ouais, ma gueule! Je pompe sur mon spiff. L'impression d'être à l'église. Et pas le pain, pas que chant de nichon. Chiner du fric! Même au terre-terre, c'est la crise. Prends l'eau sous ce cas, ça défrise. Je dégaine pas pour dégommer les potos. Je sais, c'est la mouise. Mais quand je pense qu'on suive, l'impression d'être à l'église. Et pas le pain, pas que chant de nichon. Et pas le pain, pas que chant de nichon. Bourré comme le TGV. Pour Yaya, t'es prêt? Training day. C'est chaud, Yaya. En gamme aussi, faut que t'en chie. Chrome et l'auto, ramène chi. Vendant ton âme, mon pote, tu saisis. Personne te filera la courte échelle. Fais gaffe à te choper une gamelle. Mon si coucouine comme une chaîne. Ramène, je pèse. Je les baisse, je les baisse, je les baisse. Elle a des grosses prothèses. Le boule a dit Lopez. Je pense qu'à faire du pèse. Du pèse, du pèse, du pèse. Du pèse, du pèse, du pèse. Jean Gabin, du pèse, du pèse. Mixtape illuminé. Du pèse, du pèse. Chiner du fric. Tatatan. Du pèse, du pèse, du pèse. Illuminé dans les bacs. Du pèse, du pèse. Digital. iTunes. Deezer. Spotify. Partout. Partout, ma gueule. Partout, on peut cliquer sur MC Jean Gabin. Young Banks on the track. Illuminé, c'est donc dans les bacs depuis aujourd'hui. Et tu es venu, on le disait tout à l'heure, avec Yadoya qui est là. Ouais, Yadoya. On va finir avec une petite session freestyle. Voilà, freestyle. Comme on aime bien. Ouais, j'ai mal aux dents, donc je vais pas faire de freestyle. Ah, c'est bizarre, c'est étrange. J'adore pas faire de freestyle. Et bah écoute, comme là, Yadoya est là, on va en profiter sur Skyrock. C'est quand tu veux, c'est parti maintenant sur Skyrock. Yes, Yadoya, on est là, gars. Yeah, yeah. Ah, c'est le 19, mon gars. 19, ma gueule. S-O-L-O, B-A-2-S. Ah ouais. Yadoya, on est là ou on est pas là? Hein? L'afro trap, mon gars. Ah, mon gars. Premier rang, vous êtes. C'est un jeu. Malin, ça pète pas un jour, tu te fais péter. J'ai pété. Il bosse. Bah ouais, ça bosse. Bah ouais, ça bosse, pote. Ah, mon gars. Eh. M'appelle pas chance, je suis pas congolais, mais la réussite sur ma pitance. Pensez, ah, même si pas j'ai bougé, c'est bâtard. Le nom que j'ai pris, inatteignable, est inacceptable. Pote, je les ai pour mes couilles sur la table. Bitch, dévoile les baisses comme d'hab. Tu sens le baisse, tu veux gratter, gratte-moi les fesses, t'apprends à rapper. Ah ouais, babé, c'est pour ceux qui m'écoutent, Marseille, abordé. Le thème est abordé. Laisse-moi faire, let me do it. Ah ouais, pareil que je suis doué, je d'hab, vous l'avouez, Igo, on s'en follow. J'ai 10 nouveaux abonnés, tenez-vous prêts, tu veux dire, je t'en donne. Eh, eh, poto get ma paire, poto get ma repère, poto get ma paire, check, poto get ma repère, get poto get ma paire, tu penses, poto get ma repère, poto get ma repère, Igo get ma paire, get ma paire, poto get ma repère, ah ah, get ma paire, ground, poto get ma repère, papa, bow, get ma paire, how, poto get ma repère, bang bang, get ma repère. Igo, get ma paire. La concu, on est prêt. Laisse-moi faire. Let me do it. Laisse-moi faire. Amigo, laisse-moi let me faire. Do it. Laisse. On y va, on arrête de faire quoi. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire. Let me do it. Pose un deuxième couplet là, mon gars. Montre-leur que c'est le 19 ici, poteau. Y'a pas de lol, y'a pas KBHD ici. J'ai pas KBHD chez nous. Montre-leur. Y'a pas le droit de l'air. C'est quoi ce délire? Vas-y, balance, balance. Prends-moi, t'es foutu. Assure, assure. Essaye de faire la même chose. Essaye de bouger, c'est la même chose. Prends-moi. Hey. Pull up. Rewind. Hey. Qu'est-ce qui t'arrive dans tes poumons? Y'a quelque chose qui va pas? Hey, tu termines, tu découpes, tu casses quoi? On découpe, on casse quoi? Afro trap 19ème NF. Hello, mien. Hey, les frères au baron, vous oubliez pas. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Dédicace Kadhafi, Hassan Wakili, Dosoyous, on est ensemble. Non, laisse ça, ouais. Blues. Ça. C'est le 19ème, laisse ça. 19ème, ma gueule. Force au refrain, voilà le 1-9. Let me do it, on va douiller. Nardine Mouk, Arthur sous les poulets. Ces petits bâtards, ils méritent que des boulets. Bacaradé, tous les petits caillasses. Ma mère dans sa palace. Faut pas que je sois paresseux. Wesh, ça dit quoi un coulot? Ouais, ma doc, c'est quoi le boulot? Et là, toi? Le yellow va couler. Non. On fait du sale, t'as vu bouillé. On est là en coulot. En coulot. Ah, on a. Culot. En coulot. Poto, get ma repé. Poto, get ma paire. Poto, get ma repé. Get ma paire. Get ma paire. Get ma paire sur YouTube. Get ma repé. À moi, c'est du 44. Ah, mon gars. Moi, c'est du 46. Get ma paire, tu vas te la prendre. Get ma paire, tu vas te la prendre. Poto, get ma paire, tu vas te la prendre. Poto, get ma paire, tu vas te la prendre. Poto, get ma paire, tu vas te la prendre. Get ma paire, tu vas te la prendre. Tu vas te la prendre. Wesh les gars, va je débarque comme personne. Pêche dans la bouche à la Sylvain Anderson. Dans tes oreilles c'est le meilleur en personne. La touche la tue, c'est ainsi que son Nerson. Les meilleurs se font dans les rues de Paris. Putain, le but, c'est le but, un agent demi. Watch out, le 19 est derrière moi. Walking dans l'université, tu vas faire quoi? Les bouffes par JP, papi, je vais m'étouffer. Pas dans la soupe, moi je crache dans ta bouche. C'est pour mes gars et pour ceux qui me soutiennent. C'est grâce à vous que j'ai passé sur ma route. Qu'est-ce que vous êtes prêts ici? Ah non, c'est pas. C'est fini. Ah, on est là. Merci à vous en tout cas, merci Gabin, merci Yadoya. De rien, on est ensemble. Donc on suivra Yadoya. Yadoya. Yadoya 19. Illuminé le 15 dans les bacs. Et depuis aujourd'hui dans les bacs, on est prêts. En digital. Merci à vous, messieurs. Merci. N'oubliez pas, Yadoya. Gabin, petit dernier réseau. N'oubliez pas. Facebook, YouTube, Yadoya, RTPF. Inatteignable, ça arrive.

C'est la fin de la nocturne sur ce son culte de Doc Gynéco et Nirvana à l'instant. Merci d'avoir veillé tard. Rencard dès la semaine prochaine avec DJ Amida dans Planète Rap. Et prochaine nocturne dans une semaine. Vendredi prochain, Fabuleux au contrôle. C'est parti maintenant. Rap R&B en non-stop. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Courage à ceux qui vont reprendre dès lundi. Là, c'est le week-end. Profitez avec le son de Skyrock. Ciao. Du rap et du R&B. Turn it up. Skyrock. Rap and R&B.